Vous écoutez le Libre Journal des Historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Françoise Varlet. Cette émission est diffusée en direct le 7 janvier 2010 de 18 à 21h, en différé le 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes donc à l'écoute du Libre Journal des Historiens. Alors nous avons parmi nous ce soir d'abord Françoise Varlet qui, malgré une météo peu clémente, est venue remplir comme d'habitude ses fonctions d'assistante et je l'en remercie vivement. Nous avons parmi nous également le professeur Michel Ostinck, spécialiste de l'histoire de l'Italie contemporaine, avec qui nous aborderons tout à l'heure la question des relations de Napoléon et de l'Italie. Je déplore en revanche l'absence de notre ami Dominique Jvener, qui est notre fidèle compagnon lors de cette émission, mais il habite en Haute-Normandie et les conditions météo font que l'enneigement l'a empêché de nous rejoindre aujourd'hui. Cela dit, il sera quelques instants cependant avec nous tout à l'heure, car nous aurons avec lui une liaison téléphonique pour qu'il puisse nous présenter la philosophie générale du dossier qu'il nous propose dans la dernière livraison de la nouvelle revue d'histoire. Cette émission va se découper de la manière suivante. Je vais présenter rapidement justement ce dernier numéro de la nouvelle revue d'histoire, comme nous le faisons d'habitude, au moins tous les deux mois. Et puis ensuite, nous établirons le contact avec Dominique qui évoquera lui-même dans sa généralité le dossier consacré à Napoléon. Ensuite, je me retournerai vers le professeur Ostinck qui nous exposera ce qu'a été la politique italienne de Napoléon, comment il a été perçu au-delà des Alpes, que l'héritage qu'il a laissé là-bas après la chute de l'Empire. Puis ensuite, après la pause de 7h30, nous aurons une liaison également avec Bernard Lugan, qui nous fera une annonce des plus sympathiques, puisque c'est celle de la reparution de l'Afrique réelle, même si c'est sous forme informatique. C'est une nouvelle, évidemment, tout à fait excellente. Et après cela, eh bien, nous donnerons la parole à Nicolas Kessler, un auteur qui vient de publier aux Presses universitaires de France une histoire de la Scandinavie sur laquelle nous reviendrons donc durant la seconde partie de l'émission. Alors pour commencer, comme nous le faisons régulièrement lors de la parution tous les deux mois de la nouvelle revue d'histoire, je vais vous présenter le sommaire et le contenu de la dernière livraison. Il s'agit du numéro 46 daté de janvier-février 2010. Alors tout d'abord un portrait entretien, comme d'habitude. La nouvelle revue d'histoire réalise régulièrement des entrevues avec les meilleurs spécialistes de l'université sur diverses questions. Cette fois, elle a donné la parole à Bartholomé Benassar, grand historien moderniste, grand spécialiste de l'Espagne, qui a réalisé une œuvre tout à fait considérable depuis sa thèse célèbre sur Valladolid au XVIe siècle, qu'il a réalisé sous la direction de Fernand Braudel. Il a ensuite dirigé une histoire des Espagnols monumentale qui fait toujours autorité. Beaucoup de travaux consacrés au XVIe, XVIIe siècle, à l'Espagne du siècle d'or. Et puis, plus récemment, notamment des travaux consacrés à l'histoire contemporaine de l'Espagne, une biographie du général Franco aux éditions Perrin, une histoire de la guerre d'Espagne, qui sont tout à fait remarquables du fait de l'impartialité dont a su faire preuve cet auteur à propos de ces sujets dont nous savons à quel point ils ont été très souvent maltraités par l'historiographie du fait des préjugés idéologiques longtemps dominants sur ces questions. Alors, après cet entretien avec Bartholomé Benassar, réalisé par Pauline Lecomte, nous avons un article de Jean Monneret. Jean Monneret, je le rappelle à nos auditeurs qui le connaissent bien, je crois, c'est un spécialiste de la guerre d'Algérie. C'est lui qui a été en matière de recherche historique le pionnier des études sur les massacres perpétrés à Oran en 1962, à la fin de la guerre d'Algérie. Et là, ben, il nous livre une tribune tout à fait intéressante, tout à fait révélatrice, qui nous fournit une riche matière à réflexion, intitulée « Métissage, identité et doux commerce ». Après lui, un compte-rendu fait par Bernard Lugan, que nous entendrons tout à l'heure, d'un roman qui vient de paraître et qui est consacré à l'Afrique, hein, un roman de Patrick Besson. Qui s'intitule « Mais le fleuve tuera l'homme blanc » et à travers ce roman, eh bien, l'auteur révèle une analyse assez complète, nous propose une analyse assez complète de la situation de malheureux pays tels que la République démocratique du Congo et le Rwanda. Et c'est en spécialiste de l'histoire de ces régions que Bernard Lugan nous propose un compte-rendu donc de cet ouvrage. Après lui, un article de Jacques Hers qui revient sur un certain nombre de légendes historiques qui s'étaient imposées à l'époque du tout économique ou du primat absolu accordé à l'économie comme moteur principal de l'histoire. Et il nous livre ici une analyse inattendue, originale, par rapport aux principes généralement acceptés, une analyse du commerce des épices. Nous avons ensuite, dans un registre tout à fait différent, un article de Jean-François Gauthier, qui est un historien de la musique qui fait également bénéficier les lecteurs de spectacles du monde et de valeurs actuelles de ses immenses compétences en ce domaine, un article consacré à Jean-Sébastien Bach, l'un des grands maîtres de la musique européenne. Ensuite, nous trouvons l'article d'Emma de Mester qui, chaque mois, nous propose un portrait, la biographie d'un personnage marquant, en accompagnant cette biographie d'un petit jeu de questions-réponses dont on m'a dit qu'il faisait la joie de très nombreux lecteurs de la Nouvelle Revue d'Histoire. Et cette fois, elle s'est consacrée à Metternich, le chancelier autrichien, à la faveur de la publication du livre de Charles Zorgbib, Metternich, le séducteur diplomate, publié aux éditions de Fallois il y a quelques semaines. Après Metternich, nous restons dans l'espace germanique, puisque nous avons un entretien avec Christian Elmreich, qui est un spécialiste de l'Allemagne, ancien élève de l'école normale supérieure, maître de conférence à l'université de Paris 8, et qui nous propose un portrait des deux frères Humboldt, Alexandre et Guillaume, qui sont des personnalités marquantes de la Prusse du 1er 19e siècle, des personnalités vers lesquelles se retournent aujourd'hui les Allemands qui éprouvent le besoin de renouer avec leur histoire et de s'identifier avec des figures porteuses d'un message jugé positif, en l'occurrence ici le fondateur de l'Université de Berlin et le brillant explorateur de ce qu'il appelait l'Amérique équinoxiale au début du 19e siècle. Nous avons ensuite le dossier de ce numéro. Et ce dossier, il est consacré à Napoléon, et plus exactement, puisque nous sommes en 2010, donc nous fêtons en quelque sorte un bicentenaire un peu informel, consacré à l'Empire napoléonien quand il est à son apogée, consacré donc au grand empire napoléonien de 2010. Et à ce propos, je crois que nous avons la liaison avec Dominique Venner, à qui je vais demander dans quel esprit il a conçu ce dossier, hein, puisque Napoléon a été à l'origine d'une multitude de livres, de publications, d'articles. Qu'entend apporter la nouvelle revue d'histoire? Quelle lecture, quelle vision particulière, originale, cherche-t-elle à nous donner à travers ce numéro du grand empire napoléonien tel qu'il se présente à son apogée, donc en 1810? Dominique. Oui, bonsoir. Bonsoir. Philippe Conrad. Je salue également Michel Ostinck qui est parmi vous, et je prie les auditeurs de bien vouloir m'excuser de ne pas participer d'une façon constante et en étant sur place à cette émission, tout simplement parce que mon lieu d'habitation, qui est la Haute-Normandie, n'est pas échappe quelque peu au réchauffement climatique et se trouve actuellement sous la neige et un froid assez vif, tout cela prolongé et qui rend la circulation, notamment sur les petites routes, quasi impossible, ou en tout cas difficile. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être en personne parmi vous ce soir. Encore une fois, mille excuses, mais je ne suis pas responsable de l'absence de réchauffement climatique. Pour en venir à votre question, oui, cela faisait très longtemps qu'à la Nouvelle Revue d'Histoire, nous souhaitions aborder de façon un petit peu ample la question napoléonienne, l'empire napoléonien, la personnalité de Napoléon, toutes sortes de sujets vastes que nous avions abordés ici ou là à l'occasion de certains articles, mais jamais nous n'avions proposé de dossier complet sur le sujet. C'était un désir depuis longtemps et nous attendions pour cela un bon prétexte, en quelque sorte. Or, ce prétexte nous est apporté, comme vous venez de le dire, Philippe Conrad, par le bicentenaire de l'année 1810, année qui correspond dans une large mesure à la période de la puissance maximum de l'Empire napoléonien. En 1810, la paix règne à l'intérieur, d'abord de la France, tous les problèmes d'opposition républicaine ou monarchiste ont été provisoirement éliminés. À l'extérieur, sur le continent, la paix règne, en dehors de l'Espagne et du Portugal, puisque Napoléon s'est lancé d'une façon hasardeuse dans la conquête de l'Espagne, et les choses ne se passent pas du tout comme prévu, ce qui fait que l'Espagne, l'ensemble de la péninsule ibérique, représente un abcès de fixation, d'opposition grave, lourde, et qui aura des conséquences très importantes à l'avenir. Mais en dehors de la péninsule ibérique, sur l'ensemble du continent, Napoléon peut se féliciter en 1810 de régner sans opposition après avoir redessiné à sa façon une nouvelle carte de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé intéressant de poser la question comment cet empire napoléonien, qui est là dans sa toute-puissance en 1810, comment a-t-il été vécu, ressenti, vu à l'époque et par la suite par les différents grands peuples européens. Voilà, c'est, je crois, l'originalité de ce dossier, d'aborder l'empire napoléonien en tant que tel, bien sûr, mais à travers l'écho, les effets qu'il a pu avoir chez les intéressés, c'est-à-dire tous ceux qui se trouvent regroupés au sein de cet empire. Voilà, telle est la démarche générale de ce dossier, et pour conduire le sujet, nous l'avons fait à travers une série d'articles confiés à d'excellents spécialistes de la question. L'ensemble commence par un entretien avec Thierry Lenz, qui est le directeur de la Fondation Napoléon, qui a écrit un grand nombre d'ouvrages sur l'Empire napoléonien, sur le Grand Empire napoléonien, et qui répond à un certain nombre de questions. Si vous voulez, j'en dirai un mot tout à l'heure, mais rapidement, je vais continuer à présenter l'ensemble du dossier. Après cet entretien, qui a l'avantage de répondre aux questions, à la question principale, la politique napoléonienne à l'égard de l'Europe, est-elle le résultat d'un dessein préalable ou en partie du hasard? Mais j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, rapidement. Mm-hmm. Et alors, après cet entretien, pour bien cadrer les choses, nous avons confié à un excellent historien qui s'appelle Philippe Conrad. Trop bon. Le soin, mais vraiment, vous avez à plusieurs reprises, Philippe, dans je vais vous faire rougir, mais vous ne le direz pas, moi je peux le dire, vous avez à plusieurs reprises dans la Nouvelle Revue d'Histoire, à l'occasion de grands dossiers historiques, brossé de cette façon des chronologies qui permettent d'un seul coup d'œil d'embrasser toute une histoire, toute une période. Et cela non seulement est utile, mais est absolument indispensable. Y compris pour ceux qui ont une bonne culture historique. On ne peut pas tout avoir à l'esprit, tout n'est pas présent, et la démarche chronologique est celle qui certainement permet de voir une époque avec la plus grande clarté. Et cette chronologie que vous avez établie, qui se rapporte non seulement à l'Empire, mais en réalité à la personne de Napoléon, car sans Napoléon, rien ne se serait fait comme ce que l'on a connu. C'est donc une chronologie qui est consacrée à Napoléon lui-même et bien entendu à l'histoire du Grand Empire qui va naître officiellement à partir de 1804, mais qui commence évidemment avant. Alors, remarquable chronologie, les auditeurs qui, pour eux-mêmes, pour leurs enfants, qui sont, ou petits-enfants, qui sont lycéens ou étudiants, ou qui tout simplement veulent avoir une vision claire et précise sur une période aussi importante, on ne peut que conseiller de se reporter à cette chronologie qui est tout à fait remarquable. Après cette chronologie, eh bien, nous avons donné la parole à un certain nombre d'historiens, bons connaisseurs, chacun de leur sujet. Par exemple, pour l'Angleterre, nous nous sommes adressés à Jean Bourdier, qui vit en Angleterre depuis longtemps et qui a une connaissance très ancienne, intime, du monde britannique, et il répond à la question comment le projet d'empire, la réalité de l'empire napoléonien a-t-elle été vue à l'époque par l'Angleterre, principal ennemi de la France, mais de l'empire napoléonien, mais aussi comment, après coup, l'aventure, grande aventure napoléonienne, a-t-elle été interprétée par les historiens britanniques qui, nous le savons, ont été très nombreux et sont toujours très nombreux à s'y intéresser. Les travaux sur l'Empire napoléonien, sur Napoléon lui-même, sont très nombreux en Grande-Bretagne. Et Jean Bourdier fait le point sur cette question. Après quoi, nous passons à l'Italie avec Michel Ostinck, qui est présent à cette émission et qui tout à l'heure va pouvoir répondre abondamment à toutes les questions se rapportant, ou à beaucoup de questions se rapportant à ce sujet capital, je crois, et finalement assez mal connu, des relations entre l'Italie et Napoléon. Mais, puisque Michel Ostinck est présent à l'émission, nous aurons tout à l'heure l'occasion de l'écouter et d'en savoir infiniment plus sur ce sujet capital. Après quoi, Jean-Joël Bréjon, qui, on le sait, est l'auteur d'une histoire de la guerre d'Espagne, de Napoléon, aborde la question espagnole, la question ibérique en général, tout à la fois pour cette époque précise et ensuite pour ses retombées et ses conséquences. Et s'il est un pays, je crois, qui aujourd'hui conserve de mauvais souvenirs de l'époque napoléonienne, c'est certainement l'Espagne. Et Jean-Joël Bréjon explique cela, montre ça très bien. C'est une époque qui a laissé une empreinte, mais peut-être reviendrez-vous tout à l'heure, Philippe Conrad, vous-même, sur ce sujet-là. Après l'avoir traité avec Jean-Joël Bréjon, nous passons à la question de l'Allemagne ou des Allemagnes. Et c'est un grand spécialiste, François-Georges Dreyfus, qui aborde ce sujet en montrant les conséquences multiples pour l'Allemagne de l'aventure napoléonienne et de l'intervention napoléonienne en Allemagne ou dans les Allemagnes. Tout le monde sait que l'une des conséquences sera notamment l'éveil d'un sentiment national qui auparavant n'existait pas du tout et dont les conséquences seront multiples par la suite. En bordure de l'Allemagne, eh bien, se trouve la grande puissance de l'époque qui était l'Empire des Habsbourg, c'est-à-dire l'Autriche et les pays de la couronne des Habsbourg, sujet que traite Henri Bogdan, sujet évidemment capital pour notamment pour l'année 1810 qui est marquée, on le sait, par le mariage de Napoléon avec une jeune princesse de Habsbourg, Marie-Louise, fille de l'empereur d'Autriche et nièce de Marie-Antoinette. C'est quand même, si l'on y réfléchit, quelque chose d'extraordinaire, symboliquement, que ce mariage. Évidemment, le symbole n'échappait pas à Napoléon, qui entendait en faire grand usage. Après avoir abordé ce sujet, mais encore une fois, vous y reviendrez certainement tout à l'heure, nous avons demandé à Marie-Pierre Rey, qui est une jeune historienne, spécialiste de la Russie, qui a publié récemment une remarquable biographie d'Alexandre Ier, nous lui avons demandé de parler de la Russie, qui va jouer, on le sait, un rôle capital après ou à partir de 1812, puisque la Russie, qui a fait sa paix avec la France depuis le traité de Tilsit en 1807, est dans un état d'expectative, une sorte de séduction mutuelle s'était opérée entre Napoléon et Alexandre Ier. Marie-Pierre Rey aborde la question d'ailleurs pour nous dire lequel des deux était le plus séduit et lequel des deux a peut-être été dupe de cette entreprise de séduction, mais on connaît la suite, campagne de Russie, après guerre avec la Russie, campagne de Russie et toutes les conséquences pour Napoléon et pour son empire. Nous avons donc là passer en revue les principales puissances européennes marquées par l'Empire napoléonien, mais nous terminons par un entretien avec Jean Tullard, membre de l'Institut, spécialiste éminent de l'histoire napoléonienne dans son ensemble, le spécialiste par excellence, mais qui aborde la chose d'une façon tout à fait originale, car c'est un esprit original, nous le savons. Il évoque en effet l'usage qui a pu être fait de l'épopée napoléonienne par la propagande, bien plus tard, la propagande des belligérants de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà un aspect inattendu de l'histoire napoléonienne, traité par un grand spécialiste, mais qui est aussi, on le sait, un excellent connaisseur du cinéma et de son histoire, qui vient de publier un livre délicieux et remarquable, Dictionnaire amoureux du cinéma, qui est publié chez Plon. Voilà, nous avons, de cette façon-là, l'ensemble du dossier qui se trouve présenté, et peut-être, Philippe Conrad, allez-vous entrer dans le vif du sujet avec notamment votre invité Michel Ostaque. Une dernière question, Dominique, à propos de l'entretien réalisé avec Thierry Lenz. Que pense-t-il des intentions de Napoléon, de la représentation que l'empereur se faisait lui-même du vaste ensemble politique qu'il avait constitué? Oui, alors c'est en effet la question qui est principale, qui lui est posée, à laquelle il répond en substance, évidemment en détaillant beaucoup plus que je ne vais le faire. Il répond d'abord en disant que la réponse n'est pas simple, parce que Napoléon, au-delà de ses intentions, était nécessairement un héritier à double titre, héritier de la Révolution et de ses pratiques, mais également héritier de l'Ancien Régime. Ce qui est toujours vrai pour tout grand acteur de l'histoire. Tout grand acteur de l'histoire est toujours quelque part un héritier. Comme héritier de la Révolution et plus particulièrement du Directoire, Napoléon se retrouve à la tête d'une France en expansion et qui est dominatrice sur le continent européen. Et de cela, il n'est pas l'auteur. Il est le continuateur et effectivement l'héritier de quelque chose qui a commencé avant lui et qu'il ne peut pas éteindre. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que Napoléon est également l'héritier de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que l'Ancien Régime, la France d'Ancien Régime, porte en elle un certain nombre d'antagonisme avec de grandes puissances européennes, à commencer bien entendu par l'Autriche, les Habsbourg, antagonisme qui remonte à deux siècles en arrière, et la puissance des Habsbourg représente tout à la fois dans la réalité en partie et dans l'esprit public français. L'Empire d'Habsbourg représente un quasi-ennemi héréditaire, à tort sans doute. Mais tel est l'héritage. Et cet héritage va peser naturellement lourd. Et bien entendu, l'Empire d'Habsbourg va s'opposer aux entreprises napoléoniennes, comme il a commencé à s'opposer aux entreprises conquérantes de la Révolution. S'opposer, mais contraint de composer aussi. Tout, après les victoires napoléoniennes répétées sur les Habsbourg, Austerlitz évidemment, Wagram, par la suite, la situation d'abaissement qui était celui de l'Empire des Habsbourg, la disparition de l'ancien Saint-Empire romain germanique, et en 1810, des alliances voulues par Metternich dans une large mesure et qui a conduit au mariage inimaginable peu avant de Napoléon et de la princesse, d'une princesse des Habsbourg, Marie-Louise. Si l'on réfléchit à un instant à cette situation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que ce retournement. Héritier, oui, de l'Ancien Régime, il l'est également de par l'hostilité très ancienne qui est celle de l'Angleterre à l'égard de la grande puissance qu'est la France. La France de 1810 est une, pour reprendre une parole d'aujourd'hui anachronique, est l'hyperpuissance du moment, incontestablement. Et alors, qu'en 1810, en dehors de l'Espagne et de la péninsule ibérique, tout le continent semble soumis à Napoléon, subsiste une puissance à l'extérieur, de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui, elle, résiste de toute son énergie à cette puissance napoléonienne. Et on sait que l'Angleterre jouera un rôle décisif comme incitateur dans les retournements ultérieurs et dans la chute finale de Napoléon. Mais il faut bien dire que en 1810, la politique de Napoléon, la politique du blocus continental, a placé l'Angleterre dans une situation de grande fragilité. Elle est au bord de l'asphyxie. Toujours intéressant de revenir en arrière et de ne pas voir les choses par leur aboutissement. En 1810, oui, l'Angleterre est dans un état de danger incontestable. Alors, y avait-il un dessein de la part, un dessein clair, un dessein d'empire de la part de Napoléon? En substance, Thierry Lenz répond non, il n'y a pas eu de véritable dessein bien défini, de projet bien défini. Napoléon, dit-il, est un pragmatique qui avoue lui-même se soumettre à ce qu'il appelle la dictature des événements. Et on perçoit bien, et notamment à travers la chronologie que vous avez réalisée, Philippe Conrad, on perçoit bien à quel point cette dictature des événements a commandé très souvent les décisions de Napoléon. Merci beaucoup Dominique de cette synthèse. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du Pyrénées, et plus précisément à l'écoute du Libre Journal des Historiens. Dominique, je vous retiens encore un instant. Nous avons un auditeur qui a réagi à la présentation que j'ai faite de l'interview de Bartholomé Benassar. Françoise va vous lire sa question et vous nous donner votre avis. Bonsoir, auditeur qui... Françoise. Oui, bonsoir. Je craignais, pardon, je n'ai pas pu écouter le début de l'émission, je craignais que les intempéries vous aient interdit de venir et de participer, et j'admire une fois de plus votre courage et votre énergie. Non, mais c'est plus facile que pour vous, moi je prends le métro. Voilà. Alors c'est la question d'un auditeur qui est à la fois auditeur et lecteur de la Nouvelle Revue d'Histoire. Alors, il dit ceci, dans la Nouvelle Revue d'Histoire, Benassar affirme « Franco était un homme de son temps qui se sentait très concerné par l'affrontement entre fascisme et communisme, bien qu'il ne fût pas lui-même fasciste, mais conservateur réactionnaire. En fait, ce vieux catholique qui était Franco a trahi la Révolution nationale, syndicaliste de José Antonio et de Ledesma Ramos. » Voilà ce que dit cet auteur, auditeur. Alors, est-ce que vous confirmez, Dominique, puisque nous vous avons à l'antenne, nous allons profiter pour vous solliciter votre avis sur la question. Alors, ce que dit l'auditeur, d'une façon ramassée et vive, correspond dans l'ensemble à la réalité. Il faut apporter simplement une nuance. De la part du général Franco, qui était en effet un conservateur à l'ancienne mode, qui n'avait pas de vision idéologique très précise en dehors de son de sa grande hostilité au communisme. Il avait le désir d'éviter l'effondrement de l'Espagne qu'il voyait se produire en 1936, ce qui est la raison de son engagement dans ce qui deviendra la guerre d'Espagne, laquelle n'était pas du tout prévue, évidemment, telle qu'elle s'est déroulée. Et en 1936, quand il s'engage dans ce qui sera une grande aventure historique, il en ignore les prolongements, il utilise ce qui est à sa disposition pour tenter de rassembler, de constituer le camp national opposé à un camp qui sera dominé de plus en plus par les communistes. Et pour rassembler ce camp national, il va s'appuyer sur un mouvement qui est peu important mais qui est très dynamique, c'est le mouvement qu'a créé un peu plus tôt José Antonio Primo de Rivera, la Falange. La Falange qui a, certes, pour dire les choses rapidement, qui a certaines affinités avec le fascisme italien, pas du tout ou très peu avec le national-socialisme allemand, mais qui est un phénomène en soi parfaitement original et avant tout espagnol. Mais la Falange espagnole porte en elle un idéal de révolution spirituelle, politique, qui est d'une grande ambition et qui est aussi d'un grand idéalisme. Cet idéalisme est tout à fait étranger au général Franco, qui est un hyper pragmatique et qui est complètement fermé à ce que représente ce mouvement. Il va s'appuyer sur ce mouvement puisque celui-ci est à sa disposition. Celui-ci semble être l'écho d'un mouvement général qui se produit alors en Europe, dont le fascisme italien est l'une des manifestations. Cela a certainement aidé Franco à ce choix de s'appuyer sur la Falange. Et puis finalement, la Falange était le seul mouvement à cette époque en Espagne qui semblait apporter une réponse, un projet, en tout cas, un projet, un idéal de remplacement, de substitution à une république qui était à l'agonie à une monarchie qui était à l'époque également à l'agonie. Donc, de la part de Franco, c'était un choix réaliste, en quelque sorte. Mais Franco était à des années-lumière de ce que représentait l'idéalisme de la Falange. Et très vite, s'est produit une sorte de fracture intérieure, aggravée, il faut le dire, par la mort précoce, rapide, de tous les principaux dirigeants de la Falange. José Antonio, Ledesma Ramos, Onésimo Rondondo et tant d'autres, qui ont été tués dès les premiers jours ou dans les premières semaines ou les premiers mois de la guerre d'Espagne. Et la Falange est un mouvement idéaliste, mais complètement décapité. Eh bien, merci. Alors, Franco va en se servir des apparences, en quelque sorte, de la Falange, de ces rites visibles, extérieurs, mais en étant personnellement tout à fait étranger à ce que représente la Falange. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour toutes ces précisions qui répondent, je crois, à ce qu'attendait notre auditeur. Alors, nous allons maintenant vous quitter pour revenir vers Michel Ostinck et pour parler plus particulièrement de l'Italie à l'époque napoléonienne. Merci encore pour votre intervention. Je vous en prie. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous allons maintenant revenir plus particulièrement vers l'Italie. Dominique Venner a évoqué l'ensemble du dossier de la NRH consacré à l'Empire napoléonien. Comme il l'a dit, c'est Michel Ostinck qui a été sollicité pour présenter la dimension italienne du problème. En quelques mots pour nos auditeurs, je présente Michel Ostinck, qui est un professeur d'histoire contemporaine, aujourd'hui retraité, qui a été professeur à l'Université d'Angers et qui est un grand spécialiste de l'Italie contemporaine. Il a consacré sa thèse de doctorat d'État à l'éducation en Italie pendant le fascisme, un travail publié aux publications de la Sorbonne en 1980. On a remarqué, bien sûr, en 1983 chez Payot, ses intellectuels italiens et le fascisme, 1915-1929. Il a publié ensuite d'autres travaux consacrés de manière plus générale à l'histoire contemporaine, à l'histoire de la démocratie aux États-Unis et en Europe. Et puis, il a publié tout récemment une biographie de Ciano, un conservateur face à Hitler et Mussolini, aux éditions du Rocher. Il s'agit donc d'une biographie du gendre de Mussolini, dont la fin a été tragique, comme l'on sait, lors des procès de Vérone. Alors, Michel Ostinck, on le voit, ses travaux sont surtout concentrés sur le XXe siècle, mais c'est également un fin connaisseur de l'histoire italienne au XIXe, et cela nous renvoie donc à la période napoléonienne. Alors, l'Italie et Napoléon, c'est une histoire qui commence assez tôt, ne serait-ce qu'à cause des origines de la famille Bonaparte, hein, qui avait des lointaines origines toscanes. Napoléon ensuite va apparaître au tout premier plan à travers la campagne qu'il va conduire en Italie en 1796-97. Hein, et, bon, le succès est tout à fait inattendu. L'armée d'Italie était censée fixer des forces autrichiennes. Le gros de l'effort devait être réalisé sur le Rhin. Or, contre toute attente, eh bien, Napoléon va voler de victoire en victoire, va s'emparer de Milan dès le mois de mai 1796. Il y est accueilli triomphalement, si l'on en croit tout du moins Stendhal. Professeur Ostinck nous dira tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Et puis ensuite, les victoires d'Arcole, de Rivoli, aboutissent à l'armistice de Leoben et à la paix de Campo Formio, qui sanctionne une victoire complète contre l'Autriche. Complète et tout à fait inattendue, qui propulse évidemment Napoléon au tout premier plan, alors qu'il est un très jeune général. Hein. On va l'écarter pour un temps en le laissant s'embarquer dans ce rêve égyptien en 1798-99, mais quand il rentre d'Égypte, comme on le sait, à la fin de 1799, eh bien, c'est le coup d'État de Brumaire, et il devient premier consul à un moment où la France est confrontée à une nouvelle coalition, à une deuxième coalition, qui a remporté notamment en Italie des succès considérables, du fait de l'engagement des Autrichiens, mais aussi de l'intervention des Russes. La plupart des positions conquises par Napoléon les années précédentes ont été perdues, tout est à recommencer. C'est l'objectif de la deuxième campagne d'Italie déclenchée en 1800 et qui se termine, comme on le sait, victorieusement grâce au succès remporté in extremis, il faut le dire, à Marengo en juin 1800. Tout cela va déboucher ensuite sur la paix de Lunéville de 1801. L'Autriche va reconnaître de nouveau sa défaite, même si ce n'est que temporairement. Et du coup, la situation politique de l'Italie va se trouver considérablement transformée, puisque c'est à ce moment que l'on va voir apparaître tout d'abord une république cisalpine, république sœur de la République française, puis ensuite une république italienne, à la tête de laquelle va se retrouver placé le premier consul. Et tout cela va même aboutir en 1805 au sacre de Napoléon comme roi d'Italie. Il va recevoir à Milan la couronne de fer des rois des Lombards, des anciens rois des Lombards. Comment, Michel Ostinck, en est-on arrivé à cette situation? Comment le jeune général de 27 ans de 1796, comment ce jeune général vainqueur à Lodi, eh bien, moins de 10 ans plus tard, se retrouve roi d'une Italie, il faut le dire, tout à fait nouvelle, puisque la situation politique de l'Italie d'avant la période révolutionnaire ne laissait aucunement présager une telle évolution. Une Italie d'avant la période révolutionnaire qui, au moins pour une partie de ses territoires, a déjà connu certaines évolutions majeures que nous évoquions tout à l'heure. Pouvez-vous nous présenter rapidement le cadre général, le terrain dans lequel toute cette histoire va se dérouler? Oui, alors en ce qui concerne l'Italie du XVIIIe siècle, je crois qu'il est bon de revenir sur l'impact des Lumières qui se sont répandues de façon d'ailleurs très inégale dans la péninsule. Mais les principautés dominées par les Habsbourg avaient connu les expériences du despotisme éclairé. En Lombardie autrichienne, il y avait eu un développement de l'industrie. Et puis, comment ne pas citer aussi l'importance du droit pénal, de l'économie politique rénovée par quelqu'un comme Beccaria, qui marquait incontestablement le réveil des élites et qui avait fait d'ailleurs du Milanais le pays, la région en tout cas, la plus riche d'Italie. Dans les duchés, le duché de Parme, par exemple, le ministre français qui s'appelait Dutillot avait mené une politique religieuse joséphiste, multipliant les manufactures, créant des écoles, l'université, la fameuse université de Parme, où ont enseigné des personnages aussi remarquables que Spallanzani et Romagnò. À Plaisance, également, le collège Alberoni, du fameux cardinal ministre d'Espagne, a été fortement influencé par la philosophie de Condillac, et elle a formé des patriotes italiens comme Melchiorre Gioia ou Romagnò aussi lui-même. En Toscane, le grand-duc Léopold, le futur empereur Léopold II, a amélioré le sort des paysans par des réformes éclairées. Il a eu recours au physiocrate qui s'appelait Pompeo Neri. Il a profité de l'activité commerciale du port de Livourne, qui était en passe de supplanter d'ailleurs celui de Gênes. Et puis surtout, il a imposé la domination de l'État sur l'Église. Il a soutenu les jansénistes, l'évêque janséniste de Pistoia qui s'appelait Scipione dei Ricci. Et le Piémont a organisé le rachat collectif des redevances seigneuriales par les communes rurales. Et même le royaume de Naples, je dis même alors que beaucoup d'historiens italiens ne l'entendraient pas ainsi, cette réserve a connu les lumières de Vico, de Filangiere et de toute une série de penseurs. Par conséquent, l'occupation française, et c'est là un premier point essentiel, n'a pas été à l'origine du Risorgimento. Elle a réveillé un certain nombre de courants d'idées qui existaient déjà, et elle a surtout contribué, sans doute, à accélérer le mouvement, mais sans être tout à fait à son origine. Alors, il y a, me semble-t-il, dans la période napoléonienne, ou plutôt la période consulaire, puis la période napoléonienne, deux phases très distinctes. Celle des républiques jacobines, suivie peut-être aussi de la république consulaire, qui a suscité un grand enthousiasme, incontestablement, en Ligurie et en Lombardie. N'oublions pas toujours, c'est très important de bien localiser les choses. Une aspiration à la liberté, une volonté janséniste de réforme ecclésiastique, même si finalement le jansénisme est aux antipodes de la spiritualité des Italiens. Enfin, c'est une forme importante, mais il faut bien voir que ces idées n'ont concerné que quelques élites très réduites. Et puis alors, à côté, il y a la masse de la contre-révolution qui a mobilisé le peuple derrière la religion traditionnelle. C'est extrêmement classique. Le conflit du pape et de l'empereur, qui a caractérisé finalement la seconde phase, marquée par les désillusions des patriotes italiens, ce conflit a transformé le mythe guelfe de l'alliance de l'Église et du peuple, qui était l'alliance traditionnelle de l'opposition à Napoléon. Et la Restauration, qui ne fut pas du tout un retour au passé, a permis à penseurs comme Gioberti de défendre le rôle de la religion comme facteur d'unité. Elle avait été le rôle d'unité contre Napoléon. Elle a été un facteur d'unité, transférant le pouvoir temporel pontifical à la nation italienne. Alors, ceci étant, Napoléon a prétendu à Sainte-Hélène avoir eu l'intention de préparer l'unité italienne. Mais il ne faut pas oublier non plus, si on se réfère aux recommandations qu'il adressait à Eugène de Beauharnais, qui considérait les Italiens, beaucoup de Français se trompent sur le sentiment des Corses vis-à-vis des Italiens, ils ne les aiment pas. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une espèce de proximité géographique. En réalité, ils les comprennent, mais ils ne les aiment guère. Puis d'ailleurs, les Corses ont été sous la domination génoise pendant si longtemps et se sont révoltés d'ailleurs régulièrement contre cette domination. Et Napoléon disait à Eugène de se méfier des Italiens fourbes, intrigants, qu'il fallait tenir par la force. Alors, il est certain que la présence napoléonienne, la domination napoléonienne a introduit dans la péninsule des institutions imitées de celles de la France, la création d'une presse périodique, les mutations de fonctionnaires et d'officiers entre les provinces, qui ont été incontestablement pour les Italiens une première expérience de vie en commun. Car il faut bien réaliser qu'il n'y avait absolument aucune communauté entre les différents royaumes et les différents États italiens. Donc, cette vie en commun a permis une prise de conscience de la grandeur de l'Union nationale. Le régime français a donc abattu des obstacles à l'unité. Mais il n'a rien édifié de nouveau. D'où la phrase du fameux Niccolò Tommaseo, Napoléon a battu sans vaincre, il a rétabli sans créer. L'Italie de 1814 était évidemment en crise, mais sans connaître de situation révolutionnaire, les masses restant totalement indifférentes à l'idée d'indépendance. Quant à la bourgeoisie et à la noblesse, elle restait malgré tout municipaliste, comme on disait, et régionaliste, et elle redoutait par-dessus tout les insurrections populaires. On a souvent opposé à ce niveau-là le groupe des Italici Puri, partisans de l'indépendance et de l'unité, aux Austriacanti qui auraient été favorables à l'ancien régime. Alors cette opposition, ce schéma me paraît singulièrement réducteur, parce qu'en 1814, quelqu'un qui incarnait parfaitement ces Italici Puri comme Confalonieri et qui a longtemps été considéré comme un des grands précurseurs de l'idée d'unité, il refusait la germanisation de la Lombardie parce qu'elle maintenait la centralisation administrative napoléonienne. Et par conséquent, dans l'esprit de Confalonieri, l'indépendance signifiait l'autonomie régionale maintenue. Certes, il y avait eu une évolution de la part de ces élites, comme on le lit très bien dans Il Conciliatore, qui est la fameuse revue de Confalonieri, un patricien lombard qui aurait été cultivé, ouvert aux nouveautés techniques, d'esprit philanthropique, vrai paternaliste, capable donc de servir de guide à la société civile, mais une société expurgée des contaminations révolutionnaires. Le mouvement patriotique italien était donc répandu, d'autant que à côté de ces conservateurs, enfin de ces libéraux, puisque c'est de cela qu'il s'agit avec le mouvement d'Italici Puri, il y avait aussi tous les anciens jacobins dont je parlerai dans un instant. Donc ce mouvement était répandu, mais il n'avait aucun programme. Il restait extrêmement vague et il faut bien dire que la réalisation de l'unité va nécessiter les efforts de plusieurs générations encore, au moins deux générations. Alors, on peut dire aussi que la réorganisation monarchique de l'Italie de 1815 n'a pas pu effacer l'œuvre accomplie sous le régime napoléonien. L'influence autrichienne était à nouveau prépondérante, mais, par exemple, dans le royaume de Lombardie-Vénétie, qui est tout de même un royaume phare, elle a conservé l'organisation administrative et les institutions judiciaires du royaume d'Italie. Le Piémont restait imprégné d'influence française. Mais très vite, l'édit royal du 21 mai 1814 a supprimé toutes les lois édictées depuis 1798 et on est retourné à l'organisation administrative et politique antérieure. La période napoléonienne a favorisé le jansénisme qui apparaît véritablement comme le moyen de la présence française de lutter contre la toute puissance de l'Église. Elle a favorisé à Gênes notamment, mais tout l'enseignement piémontais est retourné pratiquement sous le contrôle de l'Église. Enfin, en ce qui concerne les Bourbons, ils ont pu revenir, ça c'est un fait, sur les réformes qui avaient été initiées par Joseph et accomplies par Murat, à savoir les réformes agraires, la suppression de la féodalité, même si l'Italie méridionale n'est sortie que très lentement de cette situation. Alors, la domination napoléonienne a transféré le pouvoir à la bourgeoisie, le pouvoir économique, et on a l'impression que, peut-être un peu comme en France, elle s'est efforcée de le pérenniser, par exemple, au moyen des lycées, de l'enseignement des lycées. En effet, dans la départementalisation réalisée dans l'Empire ou dans le Royaume d'Italie, et même jusque dans le Royaume de Naples, il y avait un lycée dans la préfecture, à chaque préfecture de département. Mais elle a aussi paupérisé les masses populaires. Et de façon très significative, elle a totalement ignoré l'enseignement primaire. Un peu comme en France. Et alors cette lacune est importante parce qu'elle a permis aux monarchies de la Restauration de confier l'éducation du peuple à l'Église. D'accord, complètement, il y avait là un terrain totalement vierge. Il est vrai, là encore, parce que les choses sont très nuancées, après avoir pris soin, chaque monarchie a pris soin de signer un concordat, d'imposer un concordat largement imité de celui de 1803, d'ailleurs, dans chacun de ces pays. Si on se base, puisque je parlais des problèmes de paupérisation des masses et par contre de profits réalisés par la bourgeoisie, si on se réfère au système continental, l'Italie, en gros, devait être un fournisseur de denrées agricoles et un acheteur de produits manufacturés. Napoléon pratiquait à son égard une politique d'intégration qui a conduit à une uniformisation des cadres juridiques, et notamment des cadres juridiques des deux pays. Mais la France n'a pas été en mesure de jouer son rôle de fournisseur de machines, et d'un autre côté, elle s'est avérée incapable d'absorber la totalité de l'excédent agricole, puisque à celui de l'Italie s'ajoutaient évidemment les excédents agricoles tout continentaux, et notamment d'absorber l'excédent qui précédemment se déversait régulièrement sur le marché anglais, parce que le lien entre l'Italie et les différents États italiens et l'Angleterre était extrêmement important. Si bien que la domination française, qui a incontestablement libéré des forces du travail, je parlais tout à l'heure des réformes agraires, elle a permis donc une hausse de la production, mais une hausse de la production qui n'a fait que aggraver encore les difficultés d'une économie qui était incapable d'exporter ses excédents et qui était asphyxiée par tous ces excédents. En outre, il me semble bien que tous les historiens ne soient pas d'accord à ce sujet, que Napoléon ait été hostile à toute velléité d'indépendance de l'industrie nationale italienne. Et il l'a étouffée par toute une série de prohibitions à l'entrée et à la sortie des produits. Si bien que les faillites se sont multipliées, les industriels et les commerçants imprimant leur mécontentement sur l'opinion et en faisant finalement oublier les grandes réalisations qui ont été faites malgré tout par la présence française. Si bien qu'il exigeait, certes, la bourgeoisie dans l'ensemble a profité des réformes, je ne vais pas me contredire avec ce que je vous ai dit précédemment, mais il est incontestable que la bourgeoisie commerçante, par exemple, de Gênes, était très hostile à l'empereur, c'est certain. Alors, la domination napoléonienne devait apporter, ça alors c'est la grande image d'Épinal, la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a même un film des frères Taviani qui s'appelle Fiorile, qui montre ce soldat français qui est plein de bonne volonté, qui arrive ça, en Italie, qui est accueilli par la défiance et par la mort. Mais au début, Ugo Foscolo a salué l'arrivée de Bonaparte à Venise en 1797 par la fameuse ode au libérateur. dans l'espoir que la Cisalpine serait l'embryon d'une république italienne de plus en plus étendue. Et puis, il y a des auteurs italiens qui sont devenus des écrivains officiels, comme Vincenzo Monti, par exemple. Mais la déception a été très rapide, surtout déjà après la paix de Campo Formio, comme Foscolo d'ailleurs l'a traduit dans ses ouvrages ultérieurs, et la politique de francisation, doublée d'une censure tatillonne, a incité la résistance, les intellectuels à la résistance. Par exemple, une façon de résister, c'était de s'exprimer en italien. Mmh. Alors qu'avant l'arrivée des Français, mmh, on s'exprimait en français. Mmh. Et en 1810, le français n'était plus la langue de la liberté en Italie. L'occupation française s'est accompagnée, il ne faut pas l'oublier non plus, de révoltes paysannes considérables. J'en ai ici la liste impressionnante. Il a fallu parfois utiliser les méthodes de vendéennes pour les réprimer, les pourchasser jusque dans les villages. Et le village de Mezzasolo a été complètement rasé dans les Apennins, le nord de l'Émilie. Ne parlons même pas de la Calabre, dont la répression a été formidable, avec Masséna, avec le général Manès. Donc il y a eu des répressions féroces et les révoltes paysannes qui se réclamaient du roi et de l'autel ont combattu un monde nouveau qui était suspect, qui était jugé menteur, féroce, etc. Mmh. Il y a 60 000 Italiens qui sont morts dans la Grande Armée. Je sais bien qu'il y en a eu d'autres qui ont été comme Guglielmo Pepe et qui ont été véritablement des grands patriotes. Mais il y a tout de même eu 60 000 morts. Il y a eu des pertes affreuses en Russie, des escadrons entiers qui étaient gelés. Bon, il n'y a pas eu que les Italiens, bien sûr. En Espagne également, tout soldat pris était immédiatement fusillé. La répression était atroce également. Napoléon, finalement, je cite encore le problème de Rome, où le petit peuple était très hostile à la présence française. Vous savez qu'il y a, à Rome, il y avait un moyen d'exprimer, en somme, quand on était très humble, d'exprimer son opinion. On allait sur la statue de Pasquino et on décrivait des petites libelles qui étaient des pasquinades. Alors on pouvait y lire « Le temps des voleurs » où les Français se réservaient la Bonaparte. Là, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Alors, Napoléon a peut-être fait une révolution en Italie, mais il semble bien qu'il y ait fait une révolution française et non pas une révolution italienne. Donc, une réaction, au final, en profondeur, de l'Italie face à cette présence française, alors qu'on peut avoir l'illusion au départ, en 1796, j'évoquais tout à l'heure la description que Stendhal donne de l'arrivée des Français à Milan, on pouvait avoir l'illusion qu'ils pouvaient être perçus, accueillis comme des libérateurs, au moins pendant un temps. Ils l'ont été, il a été accueilli comme un libérateur, et je dois dire, avec grand renfort de propagande, mais vous faisiez allusion au sacre de Napoléon en 1805, le sacre de Napoléon à Milan. Il est vrai qu'on avait longuement préparé le terrain, mais enfin, certains auteurs disent que le sacre a été plus enthousiaste encore par l'accueil de la population que celui de Notre-Dame, et par conséquent, il est indéniable que le royaume d'Italie a commencé sous les meilleurs auspices. Mais il faut bien dire ici, je vais rapidement, que chaque occasion d'élargissement de ce royaume s'est soldé par mécompte de la part pour les Italiens. Je prends un premier exemple. L'année 1805 s'achève par Austerlitz et le traité de Presbourg. Au traité de Presbourg, on dit la Vénétie va devenir italienne. Attention. Alors, qu'est-ce que la Vénétie? Pour les Italiens, c'était l'ancienne République de Venise. Or, les provinces illyriennes sont constituées en gouvernement militaire sous la direction de Marmont, qui va devenir le duc de Raguse. Bon, elles échappent donc au royaume d'Italie. Trieste reste le port autrichien. Venise, Napoléon la considère comme un arsenal. Par conséquent, elle ne sera pas italienne. Et enfin, c'est là qu'on a, par le traité de Munich de l'année suivante, que l'on a séparé la Vénétie tridentine, c'est-à-dire le fameux Trentin, du reste de la Vénétie. Alors on l'a donné à l'électeur de Bavière, parce que la fidélité de l'électeur avait été un peu douteuse pendant la guerre contre l'Autriche, donc c'était un moyen de l'ancrer dans le camp de Bonaparte. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Beauharnais, Eugène de Beauharnais, avait épousé la fille de l'électeur, Amélie Augusta. Qui était d'ailleurs assez apprécié des Italiens. Mais enfin, il n'en demeure pas moins que le Trentin, la fameuse source de l'irrédentisme italien, est née à ce moment-là, et il faudra attendre 1918 pour que le Trentin redevienne italien. Et puis, ensuite, on pourrait multiplier les exemples. Au moment de Presbourg, il a été fortement question, à la paix de Presbourg, de permettre l'annexion de la Toscane. Or, la Toscane, finalement, a échappé totalement à cette extension. La Toscane qui aurait représenté pour l'Italie, qui était finalement un royaume d'Italie du Nord, et non pas un royaume d'Italie. Elle aurait quand même représenté un accès sur le centre de l'Italie, et même jusqu'à la mer Tyrrhénienne avec Livourne et la côte de l'île d'Elbe. Il n'en a rien été. L'empereur, dans un premier temps, après avoir nommé un conseiller d'État qui a été chargé de préparer le terrain, on en a fait 4 départements de l'Empire. Et puis ensuite, puisque Elisa est allée se plaindre que le duché de Luc était insuffisant pour elle, alors on a érigé à nouveau un grand duché de Toscane à son profit. Et par conséquent, le royaume d'Italie n'a rien eu, si ce n'est les marches, parce que c'était les légations des États pontificaux. Et où d'ailleurs le royaume d'Italie a rencontré des difficultés sans nom, opposition de la part de la bourgeoisie, parce que la présence napoléonienne, ça voulait dire l'augmentation massive des impôts, la fiscalité directe, le cens foncier, ça voulait dire également la capitation, sans parler de tous les impôts indirects qui se multipliaient, le sel, etc., les monopoles, et également les droits douaniers. Donc la bourgeoisie était très réticente, le peuple n'en parlait même pas, et l'Église, sur 23 évêques des marches, 21 ont refusé de prêter serment. Par conséquent, là encore, il y a eu des difficultés sans nom. Et on peut dire que du côté du royaume de Naples, ça a été la même mécompte, puisque Murat espérait beaucoup s'agrandir vers le nord, du côté des États pontificaux. Et il a été très déçu par conséquent lorsque les fameux États pontificaux ont été annexés à l'Empire. Et puis aussi, alors l'inquiétude de Murat venait aussi du fait de ce mariage autrichien. Parce qu'en fait, tout de même, Marie-Louise était la nièce de Marie-Caroline. Et par conséquent, Murat considérait que c'était l'antichambre de la restauration des Bourbons. Oui, Marie-Caroline qui était réfugiée en Sicile à ce moment-là, sous la protection de la flotte anglaise avec son mari Ferdinand. Alors quand nous arrivons en 1810, finalement, l'Italie est divisée sur la base suivante. Il y a un royaume d'Italie, donc avec un vice-roi Eugène de Beauharnais. Il y a des départements français. À l'époque, on a un département des Bouches-du-Tibre, par exemple, à Rome. Et puis il y a le royaume de Naples, donc, qui constitue la partie méridionale de la botte. Dans toute cette affaire-là, il y a un personnage, évidemment, qui est appelé à jouer un rôle important, même s'il est appelé surtout à subir les événements. C'est le pauvre Pie VII, le pape Chiaramonti, qui élu à Venise au lendemain du coup d'État de Brumaire, va avoir avec Napoléon des rapports quelque peu conflictuels après la timide embellie du Concordat de 1801, dont il se félicite parce que finalement c'est un retour en quelque sorte de l'Église catholique en France qui est quelque part officialisée, mais enfin qui un concordat qui n'est pas très favorable à l'Église catholique, qui ne retrouve pas tous ses biens, qui est mise en fait à la botte, à la discrétion du pouvoir politique. C'est tout à fait clair avec les articles organiques qui vont suivre la signature de l'acte lui-même. Et après, le pauvre Pie VII, on voit bien que son autonomie, son indépendance en tant que souverain des États pontificaux va aller en se restreignant comme une peau de chagrin. Tout à fait. Le problème pour Pie VII en ce qui concerne l'Italie a commencé avec la négociation du Concordat de 1803. parce que nous sommes par conséquent encore à l'époque de la République italienne, et Melzi Vigril, le vice-président de la République italienne, a, dès janvier 1802, promulgué des lois organiques sur le clergé italien. Or, ces lois organiques prévoyaient la nomination des évêques par le gouvernement. Ils auraient reçu l'investiture canonique par le pape. Et la création d'un ministère des cultes. Alors, ces mesures ont tout de suite été suspectes aux yeux de la curie par leurs aspects josephistes. Car en Italie, on parlait d'aspects josephistes, et non pas... Le projet de concordat a été... La concordat a finalement été signée en 1803, le 16 septembre 1803, et le catholicisme y a été reconnu religion d'État, mais le pape a été obligé d'entériner un certain nombre de mesures qui lui semblaient totalement inadmissibles, notamment la confiscation de la totalité des biens ecclésiastiques, puisque les biens ecclésiastiques, qui avaient déjà en partie été confisqués à l'époque de Marie-Thérèse et à l'époque de Joseph II, en Lombardie, ces biens ont par conséquent constitué l'essentiel des biens nationaux qui ont été ensuite vendus, comme nous l'avons dit, et dont la bourgeoisie rurale et surtout urbaine a profité. Par ailleurs... Donc on a eu un phénomène analogue à ce qui s'est produit en France, en Italie, en ce qui concerne ce transfert des biens nationaux. Exactement. Et puis alors, il y a eu ensuite les décrets de Melzi Vigril, qui sont allés encore plus loin, puisqu'on avait l'impression que, d'abord, les articles organiques étaient un premier pas, le concordat en était un second, et puis, là encore, il y a eu les décrets de Melzi Vigril, qui sont comparables à ceux qui ont été pris en France, et sur une interprétation du concordat. Avec une législation qui était pratiquement une législation josephiste, la suppression de la plupart des avantages qui avaient été concédés à l'Église par le concordat ont été supprimés, et partout on a entendu limiter, en Italie, on s'est efforcé de limiter les droits de l'Église. Alors, il faut dire que le pape a, dans un premier temps, choisi, semble-t-il, la voie de la conciliation, puisqu'il a accepté, nous sommes donc en 1804, il a accepté d'aller à Paris pour le couronnement de l'empereur, et ce geste devait être récompensé, notamment au niveau de la reconstitution de son pouvoir temporel. Certes, le pape avait de nouveau retrouvé ses états, qui avait constitué une république romaine, mais il avait de nouveau retrouvé ses états, mais pas les légations, c'est-à-dire la Romagne, les marches. Il estimait que ça faisait partie, par conséquent, du domaine apostolique. Il ne les avait pas obtenus en 1800, il espérait l'obtenir, et il ne l'a pas eu à ce moment-là. Ça a été un refus absolu, si bien que le pape est rentré très mécontent en 1806, au point que, d'ailleurs, il a refusé de reconnaître Joseph sur le trône de Naples cette même année. Alors, les troupes françaises ont occupé les marches et les Romagnes. Le Sacré Collège a poussé le pape à la résistance. Mais après le traité de Tilsit, il s'est avéré que Napoléon était trop fort. Et par conséquent, la curie a changé d'attitude et elle a incité le pape à négocier. Mais le pape a refusé, finalement, et il a refusé, semble-t-il, essentiellement parce que, dans les exigences de Napoléon, il y avait la nécessité pour le pape de rompre avec les ennemis de l'empereur, et en fait, de faire entrer ses états dans le blocus continental. Par conséquent, ça a été le refus du pape et la rupture, et l'arrivée de Miollis dans Rome. Encore que Miollis n'a pas si mauvaise réputation, bien que les troupes françaises se tenaient l'arme au pied en permanence par crainte des révoltes, voire d'un débarquement anglais, qui était toujours possible. Et finalement, l'annexion de Rome en 1809 et l'arrestation de Pie VII au Quirinal a peut-être été un acte excessif du général Radé, oui. chef de gendarmerie, mm-hmm. Sans que peut-être Miulis lui ait donné l'ordre d'aller aussi loin. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'affaire est réglée. Apparemment, Napoléon ne souhaitait pas effectivement ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire on emmène Picette à Grenoble, on le ramène à Savone, ensuite à Savone, à côté de Gênes, où il va rester détenu jusqu'à... au concordat de Fontainebleau à la fin de l'Empire. Et il semblerait que Napoléon n'ait pas trop apprécié les initiatives un peu excessives prises par ses subordonnés dans cette affaire. Bien que Napoléon n'ait pas la réputation d'être, d'avoir l'esprit particulièrement religieux. Porté au compromis ou au respect des autorités ecclésiastiques, oui, certainement. Oui. Alors, le pape, finalement, Pie VII, quand tout cela sera terminé, quand il sera rentré dans cet état, Napoléon va le laisser repartir en 1814, regagner Rome au moment où ça tourne plutôt mal pour l'Empire. Le pape sera finalement, il ne sera pas très rancunier, parce qu'il va être très gentil avec la famille Bonaparte, ensuite, à partir de 1814. Il va accueillir tout le monde, pratiquement, à Rome. Oui, c'est exact. En effet, notamment la reine-mère, enfin Laetitia. Marie-Laetitia, oui. Et le pape, en effet, n'a pas procédé dans ses états à une politique réactionnaire, Pie VII en tout cas, ça n'a pas été le cas de ses successeurs, mais ça n'a pas été une politique réactionnaire autant qu'on aurait pu l'imaginer. Par exemple, un aspect que je connais mieux, c'est le problème de l'enseignement. Or, on avait, par conséquent, dans les états du pape départementalisés, on avait créé des lycées, on avait créé des écoles, et par conséquent, le souverain pontife s'est trouvé en présence d'un certain nombre de maîtres, d'instituteurs, qui étaient des instituteurs laïcs. Alors, le problème pour lui, ça a été évidemment de trouver une destination à ces instituteurs laïcs. Et il a réussi finalement à créer des écoles de quartier sans se débarrasser de ces instituteurs laïcs, sans s'en débarrasser totalement. Et il a aussi, en attendant, l'arrivée des congrégations. Alors ses successeurs ont évidemment, eux, très largement cléricalisé l'enseignement. Et... les efforts que, semble-t-il, Pie VII a déployés dans un sens de compromis ont été ensuite complètement abandonnés, notamment par ses successeurs, et l'arrivée massive de congrégations religieuses qui étaient de nouvelles congrégations. Qui ont été. Alors là, il y a un phénomène qui est considérable, c'est la floraison formidable, le nombre considérable de nouvelles congrégations religieuses enseignantes qui apparaissent en Italie, qui connaissent parfois d'ailleurs en France, à l'époque napoléonienne, et qui se répandent en Italie ensuite avec une réforme ecclésiastique importante, puisque ces congrégations, par exemple les congrégations féminines, abandonnent la clôture, elles sont beaucoup plus ouvertes vers la pastorale, donc il y a en effet tout un mouvement social de la part de la religion, et il n'est pas surprenant qu'elle ait mis l'accent sur les femmes, parce que la reconquête de la religion devait se faire par les femmes, c'était par la mère de famille. C'est oui. le début d'ailleurs du règne de la mère de famille, de la mamma en Italie au XIXe siècle. Ah oui, ça c'est une dimension assez intéressante dans la reconquête catholique postérieure à la Révolution en Italie. On insiste beaucoup sur cet aspect-là des choses. Je ne crois pas qu'on ait l'équivalent dans la France de la Restauration à l'époque de l'alliance du trône et de l'autel. Du moins, je n'ai pas connaissance d'une tendance de ce type en France. Ah, il y avait toute une floraison de nouvelles congrégations dont la spiritualité ne présentait absolument aucune... originalité, n'est-ce pas, c'était de l'héritage jésuitique ou bien surtout l'héritage salésien, c'était tout en douceur, comme les Italiens les aiment, avec la spiritualité de Philippe Néri, avec celle d'Alphonse de Ligouri, etc. Oui, bon, alors le jansénisme n'en est pas question, c'était très loin. Par contre, un très gros effort donné sur la pastorale, parce que la reconquête de la nation qui s'était fourvoyée à l'époque de la Révolution, sa reconquête, son retour dans la religion, c'était en fait symbolisé par, par le sacrifice du Christ. Mmh. C'était là l'identification. Et effectivement, l'Italie a connu alors une floraison considérable de congrégations enseignantes. Alors cette reconquête, là nous quittons un petit peu la période napoléonienne, cette reconquête catholique postérieure à la séquence révolutionnaire et impériale, elle va de pair quand même avec l'émergence de tout un courant libéral, national, révolutionnaire. Dans quelle mesure est-ce qu'il est l'héritier de la période antérieure, ce courant-là, quand on va retrouver bientôt un Mazzini ou des gens qui ont ce profil-là? Comment voit-il la période française, entre guillemets, de l'histoire italienne? Alors là, c'est le problème de la charbonnerie, la charbonnerie a été introduite en effet en Italie, et notamment en Italie méridionale à l'époque de Murat. Elle a conservé des liens très étroits avec la franc-maçonnerie, dont elle était en grande partie issue. Et il est certain qu'elle avait également des liens avec Buonarroti. Buonarroti, oui, c'est ça. Compagnon, c'est l'ami de Babeuf, oui. La conspiration des égaux. Mais après la chute de Napoléon, il y a eu les travaux récents des Italiens, notamment de Berti et de Della Peruta, l'ont bien montré. Il y a eu une évolution inattendue de la part de la charbonnerie des Carbonaro, puisqu'il semble que la direction de ces ventes de Carbonaro, il y avait toute une série, il y avait plusieurs strates. Il y avait la strate populaire, la strate intermédiaire et la direction. Cette direction avait des orientations plus libérales, nombre de ses dirigeants étant favorables à des gouvernements parlementaires. Et il semble même qu'ils étaient prêts à des compromis avec certaines familles régnantes. Beaucoup de libéraux napolitains sont restés fidèles à Murat, puisque un parti murassien s'est constitué, constitué notamment par des officiers des armées impériales. Le lien avec Murat est ici établi. Je parlais de Guglielmo Pepe, par exemple. Les patriotes italiens, et c'est là finalement le nœud du problème, se sont certes montrés hostiles à l'Autriche, mais ils étaient aussi très hostiles à la France. Mmh. Alors, vous parliez du cas de Mazzini. Certes, Mazzini était issu d'une famille de Jacobins qui avait accueilli, puisqu'il était génois, enfin, il était né à Chiavari, et il avait accueilli les armées françaises avec enthousiasme. Mais on voit à quel point, dans cette génération, la déception de la présence française a joué. Mazzini, certes, après les mouvements de 1831, s'est réfugié en France, parce que, n'oublions pas, juste après les Trois Glorieuses, il y a eu une période du régime de la monarchie de Juillet qui a été une période très libérale. Mm-hmm. C'est le moment où Mazzini a fondé la Giovine Italia à Marseille, mais ensuite il s'est exilé à Londres. Et pour Mazzini, la mission historique de la France était terminée. Mm-hmm. Alors, ici, je crois qu'on peut, parce que c'est plus difficile à percevoir de la part des Français, Mazzini trouvait la solution des problèmes dans la collaboration sociale. Et Napoléon lui apparaissait comme représentatif de ce que les Italiens dénoncent presque toujours dans la Révolution française, c'est-à-dire l'individualisme français. Mazzini avait une conception spiritualiste de la solidarité. Il critiquait le communisme du saint-simonisme et le matérialisme des radicaux français. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mazzini ne s'est jamais entendu avec les révolutionnaires de 1848, avec ce qu'on appelle méchamment les vieilles barbes de 1848. Dans le cas alors de Gioberti, c'était donc tout le contraire de Buonarroti, qui lui vivait à Paris et était considéré comme un penseur révolutionnaire, une référence. Exactement. Dans le cas de Gioberti, alors là, la détestation de l'esprit français est encore plus grande, parce que c'est l'héritage rationaliste qui n'a jamais été accepté en Italie. L'esprit français, le rationalisme des Lumières, et c'était une condamnation sans appel. Et enfin, en ce qui concerne les libéraux, puisque finalement c'est eux qui vont réaliser l'unité avec Cavour, eh bien il faut voir que le Cavour était beaucoup plus proche des libéraux anglais que des libéraux français. Et évidemment, là encore, il préférait l'empirisme britannique au rationalisme français. Alors évidemment, comme c'était un opportuniste, il a bien senti que Napoléon III était nécessaire si l'on voulait réaliser l'unité de l'Italie. Mais il est très significatif que ses successeurs, contre l'intérêt de la France, en 1866, aient pris le parti de la Prusse contre l'Autriche. C'était déjà l'égoïsme sacré de l'Italie, l'alliance. Des... Et alors, si vous me permettez, je crois que j'ai été frappé en étudiant ces questions. Pardon. J'ai été frappé par le fait que les rapports franco-italiens sont souvent, de cette façon dans l'histoire, l'objet en histoire contemporaine, l'objet d'enthousiasme suivi de désillusions. Nous venons d'en voir un premier exemple. 1859 en est un second. Napoléon avait dit l'Italie libre des Alpes à l'Adriatique. Bon, on a vu Mentana ensuite. Mentana, comme on a dit, a tué Magenta. Alors Mentana, il faut peut-être rappeler pour nos auditeurs en quelques mots de quoi il s'agit. Les Françaises ont empêché les Italiennes de s'emparer de Naples. De Rome. Les troupes italiennes de Garibaldi qui vous laissent s'emparer de Rome. Et puis, et enfin, ben, la Première Guerre mondiale, avec l'enthousiasme de 1915 et la victoire mutilée de 1918. Là encore, les Italiens, peut-être, se faisaient quelques illusions sur la façon dont la France cultivait cette alliance. Et est-ce que l'attitude d'un Charles Albert en 1848 avec la fameuse réaction Italia Faradas et on n'a pas besoin de vous, on fera l'unité nous-mêmes contre les Autrichiens, etc., ça s'inscrit un peu dans cette continuité d'une méfiance vis-à-vis de la France? Probablement. Donc le messianisme révolutionnaire français donc avait trouvé ses limites au-delà des Alpes. Exactement, et Mazzini. Alors, il nous reste seulement une minute. Nous avions une question anecdotique là, d'un auditeur, mais à laquelle vous allez sans doute pouvoir répondre. L'auditeur demande dans quelle langue Napoléon parlait aux Italiens. Ah ben, Napoléon pouvait parler italien. Je m'avance peut-être, mais je crois que tous les Corses sont capables de parler italien, en tout cas de le comprendre. Mais ceci étant, je ne crois pas que la proximité de la Corse avec l'Italie soit automatiquement un signe de sympathie particulière de la part des Corses pour les Italiens. Eh bien, il me reste, Monsieur Ostinck, à vous remercier vivement pour nous avoir fait profiter de votre immense érudition à propos de l'Italie. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette émission et nous allons reprendre ensuite en établissant la liaison avec Bernard Lugan qui va nous parler de l'Afrique. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Une ouverture d'Hervé Purcell à l'instant. Prochain rendez-vous musical à 23h pour notre émission intitulée Opéra. Circé de Georg Friedrich Händel sous la direction de Nicolas McGuigan à découvrir tout à l'heure entre 23h et minuit. Et puis à 21h30, la rediffusion du libre journal de la nuit, Les Tréteaux de la France courtoise de mardi dernier. Et puis à 21h, ne manquez pas la dernière rediffusion de votre bulletin de réinformation de ce matin. Et tout de suite, voici la deuxième partie du libre journal des historiens de Philippe Conrad. Émission en direct. Bonne soirée à l'écoute de Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des historiens, dirigé par Philippe Conrad, assisté de Françoise Varlet. Cette émission est diffusée en direct le 7 janvier 2010 de 18 à 21h, en différé le 8, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et encore par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. Chers auditeurs, nous allons donc entamer la deuxième partie de notre libre journal des historiens donc du 7 janvier en établissant le contact avec notre ami Bernard Lugan qui doit être au bout du fil. Vous m'entendez, Bernard? Oui, bonsoir Philippe. Bonsoir. Bernard, vous êtes dans vos montagnes, j'imagine, couvertes de neige. En pleine phase de réchauffement climatique. C'est ça, mais vous faites face à la situation avec la solidité et le moral d'acier que l'on vous connaît. Du moment que l'on tient les hauts, il n'y a pas de problème et je tiens les hauts. Bon, alors c'est parfait. Alors, nous allons nous éloigner cependant quelque temps des monts du Forez pour parler avec vous de l'Afrique, mais je crois qu'aujourd'hui, vous intervenez pour nous annoncer à ce propos d'excellentes nouvelles. Oui, j'annonce donc aux auditeurs et aux anciens abonnés de l'Afrique réelle la renaissance de la revue sous une forme moderne, c'est-à-dire par Internet, de façon à être dégagé des aléas qui m'avaient conduit à arrêter la revue au bout de 10 années de publication. Et le premier numéro est fabriqué, il sera envoyé vers le 15-20 janvier aux abonnés, donc l'Afrique réelle, la lettre africaine de Bernard Lugan par Internet, 12 numéros par an, donc un mensuel, qui sera envoyé par Internet aux abonnés. Et ce numéro, donc, naît au mois de janvier 2010. C'est-à-dire que le premier numéro, Bernard, vous allez l'envoyer le 15 janvier? Oui, à peu près le 15 ou le 20. Janvier. Le numéro est fabriqué. J'ai envoyé une circulaire à l'ancien fichier Afrique réelle. J'attends les retours pour ne pas disperser mes envois. Et le premier numéro va être envoyé donc dans le courant de la semaine prochaine ou fin de la semaine prochaine. Alors un numéro qui contient deux gros dossiers. Un gros dossier justement qui est parfaitement d'actualité sur la réalité du réchauffement climatique en Afrique. La question est de savoir, l'Afrique doit-elle redouter le réchauffement climatique? Eh bien, je pose la question en disant que si l'on a une approche historique, l'on se rend compte que le climat africain a constamment changé et que par le passé, les déserts y furent bien plus étendus qu'aujourd'hui, que la forêt disparut, etc. Et qu'à cette époque, il n'y avait ni moteur diesel, ni usine à charbon. Ce n'est pas une cause humaine. Alors on peut se demander pourquoi les immenses bouleversements climatiques des millénaires passés n'avaient pas de cause humaine et pourquoi les soi-disant bouleversements climatiques qui ne sont pas avérés aujourd'hui auraient une cause humaine. Et puis en deuxième élément de ce dossier, je prends le contre-pied du postulat réchauffiste parce que les pseudo-spécialistes du postulat réchauffiste nous disent que le réchauffement, si réchauffement il y a, va conduire à la catastrophe en Afrique. Or, c'est de tout le contraire qu'il doit s'agir, car par le passé, nous savons que réchauffement est lié, au contraire, à augmentation du niveau des pluies. Alors, s'il y a augmentation du niveau des pluies, nous allons assister au recul des déserts, ce qui fait que l'Afrique va devenir un continent extrêmement prospère. Or, chaque fois qu'il y a eu des grandes phases de désertification en Afrique, ce ne fut pas par l'augmentation de la chaleur, ce fut au contraire par le refroidissement. Alors, comme tous les pseudo-spécialistes qui parlent de la question n'ont aucune connaissance de la paléoclimatologie appliquée à l'histoire, eh bien, ils racontent n'importe quoi. Eh bien, c'est ce que nous démontrons dans ce numéro de la lettre africaine de l'Afrique réelle. Et puis, deuxième dossier, un dossier consacré à la Guinée, Guinée qui est un pays à l'heure actuelle en perdition, et pourtant la Guinée, qui est un des pays les mieux dotés par la nature, un pays au sol riche, aux précipitations régulières, un pays dont le sous-sol est un miracle géologique, avec d'énormes réserves de bauxite, la Guinée, qui est le second producteur mondial de bauxite et qui détient peut-être 50% des réserves mondiales de bauxite, la Guinée qui produit des quantités considérables de diamants, l'or qui est en réserve également, du fer dont les réserves se situent entre 5 et 10 milliards de tonnes, et la découverte de pétrole au large de la Guinée en grande quantité. Alors, tout ceci fait que la Guinée devrait être un pays totalement développé. D'ailleurs, à l'époque coloniale française, la Guinée était le phare de l'Afrique de l'Ouest française. Eh bien, ce pays est un enfer depuis son indépendance, depuis 1958, parce que la question, là encore, est ethnique. Les déterminismes ethniques empêchent toute construction étatique. La Guinée a vécu depuis son indépendance sous une kleptocratie ethnique. Durant l'époque Sékou Touré, soit de 1958 à 1984, dictature ethnique des Malinkés. Et ensuite, jusqu'à décembre 2009, dictature ethnique des Soso. Alors la question est compliquée par le fait qu'il y a une troisième ethnie, qui est la principale du pays, qui est l'ethnie des Peuls, et qui a pu penser, après la mort du général Lansana Conté, à la fin de l'année 2009, que son tour était venu. Mais manque de chance, ce sont des coalitions de petites ethnies forestières qui représentent 5 à 6% de la population qui ont pris le pouvoir. Ce qui fait que la Guinée est au bord de l'explosion permanente et la Guinée ne peut pas profiter de ses richesses. Voilà donc ces deux dossiers que nous traitons d'abondance et en détail dans ce premier numéro par Internet de l'Afrique réelle, avec numéro en couleur, avec comme d'habitude, une excellente iconographie, des cartes originales en couleur. Et le numéro 2, qui sera livré donc aux abonnés à partir du 12 ou 15 février, est consacré à deux dossiers. Le premier dossier, la bombe à retardement constituée par la départementalisation de Mayotte. Mayotte qui va devenir le porte-avions de l'immigration du monde swahili polygame est-africain vers l'Europe, parce que les frontières de la communauté européenne vont désormais s'étendre quasiment en limite de l'île de Zanzibar, et cette départementalisation qui constitue un véritable scandale, car les Français n'ont pas été consultés. L'on a consulté uniquement les Mahorais, qui bien entendu n'allaient pas dire non à la sécurité sociale, aux retraites, à la CMU, à tous les avantages de la généreuse République française. En revanche, les Français n'ont pas été consultés, et c'est une véritable tragédie qui se prépare, une bombe à retardement, et nous faisons ce dossier pour alerter les électeurs, pour que les électeurs aillent voir leurs députés. Il faut absolument bloquer ce phénomène qui s'est fait en catimini, à la suite d'une promesse électorale du président Sarkozy, et toute cette affaire se fait en cachette, sous la table, sans que le peuple français n'ait été au courant. On préfère lui parler de la pseudo-grippe et du pseudo-réchauffement climatique, mais non pas de cette réalité qui fait que toute l'Afrique de l'Est va débarquer à Mayotte et du jour au lendemain, avec la polygamie, va faire que cette immigration incontrôlée va submerger toute cette partie de l'Europe qui est désormais prolongée jusque dans l'océan Indien. Il faut que les auditeurs sachent bien que lorsque le gouvernement français se targue, se vante d'expulsion d'immigrés, 50% des immigrés clandestins qui sont refoulés ne sont pas refoulés de la métropole, mais sont refoulés de l'île de Mayotte. ce qui fait que les chiffres que l'on nous donne en France sont des chiffres faux, qui sont simplement destinés à appâter les gogos pour les élections successives. Deuxième dossier de ce numéro 2, l'Afrique du Sud, on en parlera en détail, et le numéro 3 aura un dossier spécial sur les palinodies de M. Kouchner au Rwanda, et sur la danse de deux et le grand écart et le tango qui n'est pas argentin, qui lui a beaucoup d'allure, de l'Elysée vis-à-vis de la question rwandaise. Vous voyez, c'est un programme qui est chargé. Alors, voilà, un programme à la fois chargé et intéressant. Alors cette revue qui redémarre maintenant sur Internet, comment est-ce que les auditeurs intéressés peuvent en prendre connaissance? Que faut-il taper Google pour arriver sur la nouvelle revue? Voilà, je vais vous indiquer cela. D'abord, le prix est un prix très faible. Pour 12 numéros, 25 euros. Donc vraiment, comme il n'y a pas les frais de poste qui avaient assassiné l'ancienne Afrique réelle, donc 25 euros pour 12 numéros par an. Et pour vous s'abonner, et pour que les auditeurs puissent s'abonner, il y a deux solutions. Soit ils viennent sur mon blog, je vais donner le numéro du blog, et là, tout est indiqué sur mon blog. Alors mon blog, c'est bernard.lugan@orange.fr. bernard.lugan@orange.fr. Soit ils m'écrivent en envoyant un chèque de 25 euros et en indiquant leur numéro de mail, car nous ne correspondons plus par la poste. C'est terminé. Je ne réponds plus aux lettres par la poste. Nous ne correspondons plus que par Internet. Nous n'avons pas de secrétariat. Le travail se fait par des équipes très légères. Donc il faut employer les moyens modernes. Autrement, l'on disparaît, l'on meurt. Alors, Bernard Lugan, donc mon nom, boîte postale 45, 42 360, à Panissière, PANI2SIERES, 42 360, Panissière. Alors, avec un chèque de 25 euros, et surtout le numéro de mail, pour que nous puissions envoyer la revue. Donc 12 numéros par an à partir du mois de janvier. Très bien. La revue ne peut pas s'acheter au numéro, hein, je le dis tout de suite. Ce serait trop compliqué d'envoyer des numéros, surtout pour des sommes dérisoires, 2 euros par numéro. Les frais de secrétariat seraient trop importants. Bon, voilà. Bah, écoutez... Alors, pour ce qui est d'actualité africaine, j'ai 5 minutes là encore. Oui, allez-y, mon cher Bernard. Vous avez 5 minutes. Oui, il s'est passé des choses assez intéressantes aujourd'hui au Rwanda, avec la visite de M. Kouchner, qui est parti la tête couverte de cendres et qui, je pense, doit avoir un trou au milieu de la poitrine à force de se battre à la coulpe, et a coïncidé avec cette visite la sortie du rapport fabriqué par les services rwandais, qui évidemment prend le contre-pied de l'enquête Bruguière et qui, évidemment, va permettre... aux porte-paroles et aux relais du régime de Kigali en Europe et en France notamment, de tenter de discréditer le rapport Bruguière. Je plains le juge antiterroriste Trévidic, qui doit faire face à la fois aux pressions du gouvernement français et à cette véritable manipulation qui a été montée dans ce rapport. Alors ce rapport est tout à fait intéressant, bien entendu je l'ai lu. Ce rapport constitue en termes scientifiques ce que l'on appelle un recul par rapport à l'état des connaissances. C'est-à-dire que ce rapport met en avant et justifie ce que l'on croyait connaître en 1995 de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. C'est-à-dire qu'il ne tient absolument pas compte de toute l'avancée et de toutes les découvertes qui ont été faites à l'occasion des procès du Tribunal pénal international. Et les seules mentions faites au Tribunal pénal international d'Arusha sont des mentions qui constituent l'acte d'accusation du procureur qui date de 1997. Donc c'est une manipulation, c'est un montage, c'est une affaire faite par les services rwandais, et bien entendu, M. Kouchner, qui est un ami de M. Kagame, va se servir de cela pour essayer de jeter le discrédit sur le travail qui a été fait par le juge Bruguière. Alors pour la bonne justice, heureusement que la justice espagnole travaille et que la justice espagnole n'est pas soumise à ce genre de pression. Parce qu'autrement, l'on pourrait dire qu'il y a trois solutions. Soit la France est devenue une république bananière, prête à avaler toutes les couleuvres venus de n'importe où dans le monde, ou bien la France aurait des intérêts vitaux au Rwanda pour passer sur tout ce qui fait sa réalité judiciaire. Or, la France n'a aucun intérêt. Donc, la troisième explication, la seule, est celle peut-être de l'amitié que le ministre des Affaires étrangères peut avoir envers les actuels dirigeants rwandais. Voilà, c'est trois explications possibles. Je ne vois pas ce qui peut expliquer d'autre dans ces palinodies et dans ces danses du chat. Dans tous les cas, tous ceux qui travaillent sur le Rwanda, tous ceux qui ont été associés au tribunal pénal d'Arusha et tous ceux qui ont travaillé sur les dossiers sont assez outrés de voir l'attitude du gouvernement français qui est véritablement une attitude de danseur de tango de troisième catégorie. Oui, alors je rappelle, vous étiez intervenu dans l'une de nos émissions précédentes pour nous indiquer, parce que les observateurs ne l'ont pas mentionné la plupart du temps, qu'à La Haye, le tribunal chargé d'intervenir en appel par rapport à ce qui s'est passé à Arusha avait en fait complètement démoli les accusations qui avaient été construites contre un certain nombre de leaders de l'ancien régime à Habyarimana. Je prends un exemple. La veuve du président Habyarimana, voilà, qui est réfugiée en France, va probablement être expulsée de France à la demande du régime de Kigali. Et le gouvernement français va l'expulser en s'appuyant sur l'acte d'accusation contre son beau-frère, M. X, Proté, qui était poursuivi par le tribunal pénal international comme étant l'organisateur de la cellule qui aurait créé le génocide. Or, la cour d'appel du tribunal pénal international du Rwanda, qui siège à La Haye, a non seulement acquitté, mais a libéré immédiatement Proté en disant que tout ceci était un montage. Et dans l'acte d'accusation qui va servir au gouvernement français pour expulser Mme Habyarimana, il y a les accusations qui ont été réduites à néant par la cour d'appel du tribunal de La Haye, c'est-à-dire du tribunal pénal international, qui ne fait que cela depuis 1995, donc qui connaît les dossiers. Donc nous sommes là dans un système complètement fou. Deuxième exemple, le général Kabilegi, qui était le dernier chef d'état-major de l'armée rwandaise, a été acquitté par le tribunal pénal international. Il est libre, mais il ne peut pas quitter le Rwanda, Arusha, en Tanzanie, car aucun pays ne veut l'accepter. Or, sa femme et ses enfants sont réfugiés en France et ils ont la nationalité française. Eh bien, là, le regroupement familial ne marche pas. Alors qu'il a été acquitté par le tribunal pénal international et remis en liberté. Là, le regroupement familial ne marche pas, mais n'importe quel pérégrin venu de n'importe quel autre contrée se voit appliquer le bénéfice du regroupement familial. Alors là, il y a véritablement une intervention du ministère des Affaires étrangères qui bloque systématiquement tout ce qui se passe du côté des affaires du Rwanda. Et là, l'Élysée semble se désintéresser totalement de la question. Il faut bien laisser un os à ronger à M. Kouchner. Et M. Kouchner n'en fait qu'à sa tête dans cette affaire du Rwanda. Et ce sont des affaires absolument scandaleuses que nous allons dénoncer dans les prochains numéros de la revue. Il faut bien que la vérité soit dite, car il n'est pas pensable de laisser passer de tels dénis de justice. Eh bien, nous allons attendre avec impatience, donc, si j'ai bien compris, la troisième livraison de cette revue qui va donc maintenant être présentée sous forme informatique. Déjà la première pour les abonnés, et revue a besoin d'abonnés, évidemment. Oui, mais je parlais du Rwanda. Ah oui, d'accord. Bien entendu, pour la première, avec ce que vous pouvez nous dire sur la Guinée, que nous ne trouverons pas automatiquement dans la presse quotidienne. Quand celle-ci veut bien paraître, ce qui n'est pas toujours le cas ces jours-ci. L'article sur la Guinée, qui est illustré par des cartes ethniques et par toute cette approche ethnique, ethno-historique, qui explique la question autrement. Mm-hmm. Si l'on se borne à expliquer la situation aujourd'hui avec les faits contemporains, l'on ne comprend rien à ce qui s'est passé en Guinée. Alors, nous avons une question pour vous, Bernard, tout à fait technique d'ailleurs. Ben, mes auditeurs redemandent votre adresse Internet et le prix de Le prix, 25 euros pour 12 numéros annuels, c'est-à-dire voilà. Pour les 12 numéros. Mmh. Et l'adresse postale pour m'écrire en m'envoyant le chèque et le numéro de mail auquel envoyer la revue. Donc Bernard Lugan, boîte postale 42360, Panissière, PANI2SIERES. Et autrement, mon blog qui donne toutes les indications, bernard.lugan@orange.fr. Et là, cette revue va véritablement être une revue d'information et de combat, parce que j'avais un peu déserté le combat africain depuis quelques années en arrêtant la publication de l'Afrique réelle. De nombreux lecteurs m'avaient demandé de reprendre cela. Il faut reprendre cela, mais avec des moyens modernes, de façon à être totalement libre des contingences qui m'avaient condamné à fermer cette revue au bout de 10 ans. Et c'est pour cela que nous allons attaquer d'une manière moderne, par Internet, et je pense que les abonnés ne seront pas déçus. Eh bien, merci beaucoup, Bernard, pour cette excellente nouvelle. Donc, nous allons accompagner avec beaucoup d'intérêt le redémarrage de l'Afrique réelle, comme vous vous en doutez. Alors, je salue vos invités. Je salue tout le monde présent dans le studio et les auditeurs de Radio Courtoisie, et à bientôt. Oui. Autre bonne nouvelle, oui. Philippe, oui. Je crois que l'on peut annoncer aux auditeurs que probablement à partir du mois de mars, avril, je serai présent à toutes les émissions. Tout à fait. Parce que je vais avoir l'opportunité de revenir, à Paris. Paris. Au revoir Bernard. À bientôt. Au revoir et à bientôt. Au revoir, alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des historiens. Et Philippe Conrad a reçu ce soir en première partie Dominique Venner par téléphone, le professeur Michel Ostinck, et ensuite au téléphone encore Bernard Lugan, et maintenant il va recevoir Nicolas Kessler. Qui va nous parler de l'histoire de la Scandinavie. Auparavant, nous avions un message d'auditeur. Nous allons répondre très rapidement. Alors, un message d'auditeur qui demande, qui parle du manuscrit de Louis XVI au français, qui a été retrouvé aux États-Unis, et il demande à Philippe Conrad d'en parler. Oui, je n'ai pas eu l'occasion encore de consulter l'ouvrage concerné. Il s'agit en fait d'un document, d'un texte écrit par Louis XVI avant la fuite de Varennes en 1791, qui a été retrouvé aux États-Unis il y a quelque temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est publié dans un ouvrage intitulé « Testaments et manifestes de Louis XVI ». Il s'agit d'une édition présentée par Jean-Christian Petit-Fils, que nous avons déjà invité à notre émission, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien, qui est un excellent historien des XVIIe et XVIIIe siècles. Et cet ouvrage est préfacé de plus par Jacques de Saint-Victor, qui est un historien également, qui vient de publier, je crois, une biographie de Madame du Barry, qui est un spécialiste du XVIIIe siècle et qui s'occupe de la rubrique historique au Figaro. Donc, je redonne les coordonnées de cet ouvrage, Testaments et manifestes de Louis XVI, édition présentée par Jean-Christian Petit-Fils, introduction de Jacques de Saint-Victor aux éditions des Équateurs. Et ça coûte 19 euros. Et ça coûte 19 euros pour ceux qui veulent en savoir davantage. Alors, nous allons maintenant changer de sujet. Nous avons consacré la première partie de notre émission à l'Empire napoléonien, plus particulièrement à l'Italie à l'époque napoléonienne. Eh bien, nous allons maintenant nous déplacer vers des latitudes beaucoup plus septentrionales, puisque nous allons parler de la Scandinavie à l'occasion de la publication d'une Scandinavie signée de Nicolas Kessler, qui est un professeur d'histoire, qui a déjà publié un certain nombre d'ouvrages, en particulier un que sais-je consacré aux droites américaines. Nicolas Kessler a également été directeur de séminaire à propos des États-Unis au Collège interarmé de défense. Il a publié il y a quelques années une histoire politique de la jeune droite au cours des années 30 aux éditions question de l'Harmattan. Et donc il a déplacé ses centres d'intérêt, mais en restant toujours dans l'hémisphère nord, on le voit, vers la Scandinavie. Alors cette Scandinavie intervient dans une collection qui est la collection Culture Guide, publiée conjointement par les presses universitaires de France et par l'agence de voyage culturel Clio. C'est le sixième volume de cette collection Culture Guide, puisque depuis 2007, on compte déjà plusieurs publications, les livres consacrés à Venise, à l'Égypte, à la Russie, à Rome, à la Sicile, la Scandinavie maintenant depuis quelques semaines, et au cours du mois de mars, nous verrons la publication de la Grèce, suivie ensuite de celle de la Toscane, ensuite un autre ouvrage consacré aux Allemagnes, un autre aux États-Unis, et enfin à l'automne, un autre à l'Italie du Sud. Alors, de quoi s'agit-il? Comment présenter cette collection Culture Guide? Certains de nos auditeurs se souviennent peut-être, dans les années 60-70, de la collection des presses universitaires de France qui s'intitulait « Nous partons pour ». Il s'agissait d'ouvrages qui n'étaient pas des guides touristiques à proprement parler, mais plutôt des incitations ou des introductions au voyage, présentant essentiellement l'histoire, le patrimoine archéologique, culturel des pays concernés. C'est une collection, petite collection qui avait remporté un très vif succès, et c'est sur la base de ce modèle, c'est avec cette référence que nous avons lancé donc cette collection Culture Guide en collaboration, encore une fois, je le répète, avec les presses universitaires de France et l'agence culturelle Clio. Quelles sont les particularités de cette collection? Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un guide touristique. Hein. Vous n'y trouverez aucune information précise concernant les hôtels, des informations pratiques en tout genre. C'est un livre que les voyageurs sont invités à lire avant de partir pour se familiariser avec le pays qu'ils entendent visiter, et s'ils veulent profiter pleinement de leur séjour. Ils peuvent également le lire à leur retour pour faire un petit peu le bilan, faire un petit peu le point, clarifier les choses à travers toutes les impressions qu'ils ont pu ressentir ou les expériences qu'ils ont pu vivre dans les différents pays qu'ils ont été amenés à visiter. Plus concrètement, ces ouvrages se présentent pour l'essentiel comme une histoire des pays concernés, mais au-delà de cette histoire, somme toute assez classique, les lecteurs pourront trouver de très nombreux encadrés consacrés à un certain nombre de points, un certain nombre d'éléments thématiques, à la biographie de certains personnages, à l'analyse certaines traditions, par exemple, à la présentation de certains monuments, de certains musées, et puis également, ils pourront trouver des textes qui sont des textes de voyageurs qui se sont rendus dans les pays concernés et qui ont décrit en quelque sorte, les ont en quelque sorte décrit. Hein, je prends quelques exemples. Eh bien, en Égypte, on pourra ainsi trouver le récit que fait Chateaubriand de sa visite des pyramides. Ici, en Scandinavie, c'est le géographe Charles Rabault au début du XIXe siècle qui nous décrit les fjords norvégiens. Nous avons également un certain nombre d'autres auteurs. Je pense par exemple à Voltaire avec des extraits de son Charles XII. Un certain nombre de voyageurs moins connus, comme l'Italien Acerbi par exemple, qui nous rapporte son voyage au Cap Nord au début du XIXe siècle. Maupertuis qui va reconnaître les régions du cercle polaire au XVIIIe siècle. Et d'autres voyageurs de ce type, je pense à Léonie Daunet par exemple, qui va se promener au Spitzberg également au cours du XIXe siècle. Donc une formule originale qui remporte un certain succès auprès du public. Et c'est donc du volume consacré à la Scandinavie que nous allons parler aujourd'hui. Alors cette Scandinavie qui correspond donc à quatre pays, cinq si on y ajoute l'Islande du nord européen, comment pourrait-on la présenter pour dégager ses principales caractéristiques physiques, géographiques, Nicolas Kessler? Bah, je crois que l'unité de la Scandinavie, c'est pas à la base une unité géographique, c'est plutôt une unité de civilisation. Parce qu'effectivement, quand on regroupe sous la même étiquette des pays aussi différents que l'Islande, la Finlande, le Danemark, la Suède, on n'est plus vraiment dans la géographie, mais plutôt dans une identité construite par l'histoire. Et je pense que pour comprendre ce qui peut faire l'unité de la Scandinavie, il faut plutôt se replonger dans l'histoire de la Scandinavie et de sa constitution en tant que civilisation, plus que dans une description purement géographique. Alors c'est une histoire qui commence très tôt, ou on pourrait dire plutôt une proto-histoire, hein, qui commence très tôt, puisque dès l'âge du bronze, ces régions, a priori, qui pourraient paraître hostiles du fait de leur situation en latitude, d'un climat assez rigoureux, nous sommes dans les périodes qui suivent de quelques millénaires le recul des glaces, eh bien ce monde de la Baltique est le centre et le foyer d'une riche civilisation au cours des deuxièmes, premiers millénaires avant Jésus-Christ. Oui, je vais vous employer le terme de proto-histoire qui, à mon avis, s'impose ici, dans la mesure où la préhistoire en Scandinavie dure très très longtemps, puisque les peuples scandinaves des périodes antiques et même médiévales utilisaient très peu l'écriture. Et en fait, la Scandinavie entre vraiment dans l'histoire que vers le 10e, 11e siècle, avec la christianisation, quand les populations locales commencent à s'approprier vraiment l'écrit. Donc effectivement, on a une proto-histoire qui dure très longtemps. Mais nous avons un monde là tout à fait particulier, avec des vestiges archéologiques tout à fait étonnants, comme le fameux char solaire de Trondholm, avec ses découvertes tout à fait surprenantes des tourbières danoises, avec ses sacrifices humains qui étaient pratiqués. Donc on a là une civilisation, une culture. On a une civilisation qui est très riche, dont il nous reste effectivement des vestiges absolument fabuleux, auxquels on est facilement confronté quand on visite les pays concernés. Mais avant tout, la proto-histoire de l'économie, c'est quand même un mystère, parce qu'on a très très peu d'éléments sur lesquels appuyer notre connaissance. Et l'historien, quand il aborde l'âge de bronze scandinave, ou même la période viking dont on va peut-être parler tout à l'heure, est souvent réduit à faire des hypothèses, parce que, encore une fois, en dehors de quelques œuvres d'art retrouvées dans des tombes ou sous des tumuli, on a très très peu d'éléments concrets à analyser. Alors, pas de tradition écrite, peu de monuments. Alors la tradition antique fait voyager quand même un explorateur méditerranéen dans ces régions, un Marseillais. Oui, hein, Pythéas. C'est Pythéas. Alors qu'en est-il? Parce que le fameux voyage de Pythéas a été la matière de pas mal de débats. Où était-il allé véritablement? Certains le font aller jusqu'à l'Islande, d'autres le font pénétrer dans la Baltique. Quel est votre sentiment sur cette... Contrairement à ce qu'on pense souvent, la Scandinavie effectivement est présente dans la littérature antique, chez Pythéas, mais aussi chez Hérodote, chez Procope de Césarée, ou surtout chez Tacite, qui nous a offert de très très belles pages sur le... Dans sa Germanie. Oui, sur l'Europe du Nord. Après, quand on veut savoir à quel pays précisément ou à quel territoire correspondent les descriptions que nous ont laissées ces auteurs, c'est évidemment très difficile, on est réduit à des hypothèses. On sait qu'il s'agit de l'Europe boréale parce que ces auteurs parlent d'une mer solide, parlent d'indigènes qui circulent sur des skis, parlent... mais ensuite, les exégètes ont émis des hypothèses très très variées qui ont conduit Pythéas soit en Scandinavie, soit aux Hébrides, soit... L'Islande, c'est peut-être un peu ambitieux. Hein. Oui, compte tenu des moyens techniques maritimes de l'époque. Oui, la galère marseillaise, effectivement, c'est peut-être un petit peu ambitieux. Et alors, cette Scandinavie, elle va véritablement entrer dans l'histoire et dans la représentation que l'on s'en fait. C'est à cette époque-là qu'on situe cette entrée dans l'histoire avec les fameux vikings, avec cette antiquité scandinave, alors là beaucoup plus familière que nous avons connue pendant longtemps à travers les invasions normandes. Beaucoup plus familière, mais encore une fois très très mal connue. Voilà, très mal connue. En fait, on a très très peu d'éléments objectifs sur lesquels appuyer notre connaissance des vikings. Et à propos de laquelle il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies quand même ces dernières décennies. Il y a eu un énorme travail qui fait que l'image que l'on a aujourd'hui de ce monde viking est peut-être un petit peu différente de celles qui avaient longtemps prévalu, où on les réduisait un petit peu aux Normands venus s'installer dans le duché appelé à prendre leur nom après le traité de Saint-Ersurepte. Le monde viking ou Varegue, c'est autre chose. Probablement qu'il y a surtout un gros décalage aujourd'hui entre ce que l'historiographie sait des vikings et ce que le commun des mortels en retient. Et je pense que malheureusement que l'image du Viking avec son casque à cornes et son drakkar qui brûle au milieu de la Baltique est quand même encore solidement enracinée dans l'esprit des gens. Alors qu'effectivement, l'historiographie récente a fait des gros progrès et a considérablement affiné l'image qu'on se fait des Vikings. Donc on sait par exemple que ce n'est pas des barbares guerriers, contrairement à ce qu'on a longtemps dit, que c'est plutôt des marchands armés qui sont passés progressivement du commerce à la rapine et ensuite à des petites guerres de conquête dans des territoires qui étaient en déshérence et où ils ont vite senti qu'ils pouvaient s'installer. Et aujourd'hui, surtout l'historiographie, je crois, insiste plus sur leur qualité d'organisateur, leur qualité par exemple d'urbaniste, et moins sur la dimension purement militaire et agressive de leur... Expansionniste, oui. Alors on leur reconnaît quand même des talents extraordinaires de navigateurs. Oui. Ces Vikings, ce sont des marins exceptionnels. Mais ils disposaient surtout de bateaux qui étaient absolument exceptionnels, des bateaux qu'on connaît beaucoup mieux grâce aux travaux des archéologues scandinaves qui en ont exhumé un certain nombre dans des tombes, que ce soit au Danemark ou en Norvège, et qui les ont étudiés, qui les ont reconstruits, qui en ont même reconstitué, avec lesquels ils ont tenté des traversées, notamment de l'Atlantique, il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Et donc ces bateaux, on sait qu'ils étaient l'atout principal des Vikings, parce qu'ils leur permettaient de naviguer en haute mer assez facilement et d'envisager des traversées de l'ordre de 500 ou 600 kilomètres, qui leur permettaient de saut en saut, partant de Norvège, d'aller en Islande, puis jusqu'au Groenland et peut-être même en Amérique du Nord. Et surtout, la qualité principale des drakkars vikings, ou plutôt des lanskis, puisque c'est le nom technique qu'on emploie aujourd'hui, c'était leur faible tirant d'eau qui leur permettait de remonter les grands fleuves occidentaux, et même ce qui leur était particulièrement utile en Russie, où ils ont un rôle de civilisateur important, de passer d'un fleuve à l'autre en transportant facilement le bateau du bassin d'un fleuve à son voisin. Alors il faut faire le bilan un petit peu de cette expansion viking du côté de l'ouest. Alors, on sait qu'ils vont en Islande. Donc en fait, il y a trois sortes de vikings qui correspondent aux trois bassins de population qu'on peut différencier des antiquités, c'est-à-dire les vikings norvégiens, danois et suédois. Donc les norvégiens, effectivement, partant de Norvège, ont conquis et colonisé les Hébrides, les Shetlands, les Orcades, une partie du nord de l'Écosse et de l'Angleterre, une partie d'Irlande. Ouais. Et depuis ces bases avancées, ont été jusqu'en Islande, au Groenland avec la fameuse expédition d'Éric le Rouge. Ouais. Et on le pense et on le sait aujourd'hui, jusqu'en Amérique du Nord, jusqu'à Terre-Neuve, où on a retrouvé ce qui semble bien être un site, au moins jusqu'à Terre-Neuve. Ouais. Il fut un temps où on avait imaginé qu'ils avaient pu aller jusqu'au Grand Lac, mais la fameuse pierre de Kensington, il s'est avéré que c'était un faux. Ah, donc là, il n'y a pas de raisons techniques qui font que depuis Terre-Neuve, il n'ait pas pu aller jusqu'au Grand Lac. Mais, oui, de là à parler d'une présence viking... On n'a pas de trace sérieuse, quoi. Oui, c'est durable, c'est sans doute abusif. Il faut être prudent, puisqu'à certaines époques, certains avaient imaginé que les vikings avaient pu pousser leurs expéditions jusqu'en Amérique centrale, voire jusqu'en Amérique du Sud, en interprétant certaines légendes locales qui évoquaient des blancs, ce qui aurait facilité ensuite la conquête espagnole. Il faut rester évidemment extrêmement prudent avec tout cela. Le fantasme, n'importe quoi, cela aurait été historique. Voilà. Donc les Danois ensuite, pour continuer le petit panorama, donc les Danois, eux, sont répandus plutôt le long des côtes de la mer du Nord et de la Manche, donc on les retrouve en Frise, donc en Normandie bien sûr, en Bretagne, le long des vallées de la Loire et de la Seine, dans le sud de l'Angleterre et en Irlande aussi. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'Irlande était le théâtre de guerres permanentes entre vikings norvégiens et vikings danois qui se disputaient le contrôle du pays. Et les Suédois, enfin, eux, les Danois qui vont créer un royaume anglo-danois d'ailleurs. Oui. Beaucoup plus tard. Le Grand. Oui. C'est d'abord, il y aura un royaume viking en Angleterre autour des cinq cités autour de York. Et beaucoup plus tard, dans une période qui est postérieure à l'expansion viking proprement dite, qui on est déjà au Moyen-Âge, contre Scandinavie, finalement Knut le Grand, roi du Danemark, unifiera l'Angleterre et le Danemark en une sorte de grand empire de l'Atlantique Nord, qui malheureusement ne durera pas pour des raisons géopolitiques évidentes. Bien sûr, oui. D'éloignement de ces deux composantes. Oui. Et alors du côté de la Baltique et de la Russie. Alors ça on connaît beaucoup moins en France. Effectivement, Voilà, il y a aussi des Vikings suédois qui eux par la force des choses puisqu'ils étaient barrés à l'ouest sont dirigés vers l'est et sont entrés profondément en Russie en suivant la vallée de la Volga et le cours de la Volga. Et on sont installés jusqu'au sud de la Russie actuelle, jusqu'à Kiev, où ils ont joué un rôle très important, puisqu'une querelle très très fameuse en Russie oppose ce qu'on appelle les normanistes et les anti-normanistes. Les normanistes faisant des vikings, enfin des varegs en l'occurrence, selon des vikings suédois, les véritables pères fondateurs de la nation russe. C'est ça. Puisque la Russie aurait été unifiée à la suite d'un appel des populations slaves aux voyageurs vikings en leur demandant de mettre fin à l'anarchie qui régnait dans la région et de mettre en place un embryon d'État. Les voyageurs vikings qui auraient donné son nom même à la Russie. Et oui, puisqu'on les appelait les Rousses. Et qui allaient pousser jusqu'à Byzance et même assiéger Byzance à un moment et fournir ensuite une garde de soldats à l'empereur byzantin et ses varegs. Et les premières principautés russes ont longtemps été dirigées par des dynasties d'origine suédoise. Alors, nous avons des questions d'auditeurs qui recoupent un petit peu ce que nous venons de dire. Alors, un auditeur demande, y a-t-il quelques données sur le climat de cette ancienne Scandinavie? Alors oui, c'est important. On sait en tout cas que le climat de cette ancienne Scandinavie était différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est en partie ce qui a permis l'expansion viking dans l'Atlantique Nord, puisque cette expansion s'est produite à une époque où l'Islande et le Groenland présentaient des conditions climatiques beaucoup plus favorables qu'aujourd'hui. Et on sait que le Groenland vient son nom de Greenland, qui dirait terre verte. Et bon, on pense que c'était un peu de la propagande de la part des premiers explorateurs dans le but d'attirer leurs compatriotes à leur suite. Mais en tout cas, le Groenland a été occupé en tant que terre agricole fertile et favorable à l'installation d'éleveurs, en tout cas, ce qu'on aujourd'hui on a du mal à pendant 4 siècles jusqu'au 14e, 15e siècle. Donc un refroidissement du climat. Donc effectivement, le réchauffement climatique peut être une chance pour le monde scandinave. Le refroidissement dans ce cas est intervenu vers le 14e, 15e siècle au Groenland, et les Esquimaux qui étaient installés plus au nord sont descendus vers le sud, et c'est là que les communautés scandinaves de Bratali et autres lieux ont disparu. Alors que ces communautés, là encore, c'est une hypothèse, parce qu'en fait, on sait qu'elles ont disparu à cette époque-là, mais on n'a aucun élément qui permet de l'expliquer. Jusqu'à une soixantaine de milliers d'habitants quand même. Il y avait un évêché qui était installé au Groenland à l'époque par ces vikings, ces Norvégiens qui étaient ensuite christianisés. Alors d'un autre auditeur, j'ai lu dans une histoire de Russie que les vikings avaient été les premiers à peupler la Russie. Pourriez-vous nous en parler? Donc, on va les peupler certainement pas, parce que les Varegs étaient un tout petit groupe de commerçants guerriers, et certainement pas un grand flot de population comme on a pu l'avoir dans le cadre d'autres invasions barbares, entre guillemets. Donc non, ils n'ont pas peuplé la Russie. Par contre, ils ont joué un rôle important dans l'organisation des principautés de Kiev et de Novgorod, et donc dans les premiers pas de la naissance d'un État moderne en Russie. Alors ces vikings, ou ces scandinaves de l'époque viking, ils honorent une religion païenne, et cette situation, elle va durer jusqu'à quelle époque? À quel moment intervient la christianisation de ces régions et dans quelles conditions? Donc la christianisation est très progressive, elle intervient à partir du Xe siècle à peu près, et en fait, d'ailleurs c'est une particularité de l'expansion viking, elle procède par acculturation des conquérants par les conquis. C'est-à-dire qu'en fait, les vikings ont été à la tête de principautés, de territoires dans des pays chrétiens, et c'est finalement eux qui ont fini par se convertir au christianisme, et pas l'inverse, ce qui est compréhensible dans la mesure où leur religion excluait toute forme de prosélytisme, et donc pouvait difficilement se traduire par une conversion des populations de l'Angleterre ou de la Normandie au paganisme germano-scandinave. Et donc c'est une conversion qui se fait progressivement, qui se fait de façon relativement pacifique. D'ailleurs, c'est une constante histoire de Scandinavie. Les grands bouleversements religieux, que ce soit la christianisation ou plus tard la réforme, vont s'y passer sans véritable guerre civile ou sans véritable trouble politique. Et c'est une conversion qui va se produire sur le mode du syncrétisme. Il y a un objet qui figure dans tous les musées scandinaves qui est assez pittoresque. C'est un petit moule dans lequel on peut à la fois couler une croix ou un marteau de Thor, ce qui prouve que les deux cultes ont longtemps cohabité de façon relativement pacifique. Et alors cette Scandinavie médiévale, désormais, à partir de l'an 1000 en gros, elle se constitue sous forme d'État. On voit émerger déjà des premiers royaumes qui vont s'inscrire ensuite dans la durée. Donc on voit émerger trois royaumes très tôt, effectivement, en Norvège, en Suède et au Danemark. Trois royaumes qui, au départ, sont d'importance et de puissance relativement équivalente. Les choses ont vite changé avec l'affaiblissement considérable de la Norvège au moment de la peste noire. En fait, la Norvège va être véritablement décimée, enfin, la peste norvégienne, oui, va être décimée par la peste noire au XIVe siècle. Et comme le pays était déjà peuplé de façon très extensive, la saignée qu'ont connue tous les pays d'Europe va être particulièrement dramatique et en fait le pays va en sortir totalement asphyxié et incapable de poursuivre ses politiques d'expansion traditionnelle. Et donc la Norvège ensuite va passer dans l'orbite alternativement du Danemark et de la Suède. Et donc la suite de l'histoire de la Scandinavie, c'est plutôt s'articule plutôt autour de l'histoire du Danemark et la Suède qui l'un après l'autre vont exercer une histoire conflictuelle, même si pendant un moment il y a une union. L'union de Kalmar. L'union de Kalmar, là. Qui est une union dynastique qui a pas vraiment été, n'a pas été vécue de façon très très intense par les populations. Et qui sont, s'est traduite par des conflits internes entre les deux composantes du royaume unique tout au long de sa brève histoire. Alors c'est une époque quand même où cette région de la Baltique connaît tout de même une relative prospérité à travers le développement du commerce hanséatique, développement auquel participe et dont profite pleinement la Norvège à Bergen ou la Suède à Visby dans l'île de Gotland et en d'autres lieux. Effectivement, le premier essor économique de la Scandinavie après la période viking, qui était déjà une période d'essor économique, on l'oublie souvent, plus d'ailleurs que de conquête militaire, se fait par le biais de la Hanse, qui installe un réseau de comptoirs et de ports tout autour de la Baltique et le long des côtes de la mer du Nord, et qui donc est à l'origine d'une intensification du commerce, dont profitent en premier lieu les villes scandinaves. C'est à l'époque d'ailleurs... C'est à cette époque-là que la Scandinavie commence à s'urbaniser, puisqu'elle était très longtemps restée une partie de l'Europe extrêmement rurale. Et donc le paradoxe, c'est que la prospérité de la Scandinavie vient d'étrangers qui s'installent, et qui, donc d'Allemands en l'occurrence, puisque là, il faut rappeler que c'est des commerçants allemands au départ, dont le centre de gravité était à Lübeck. Et donc cette première prospérité... provoque aussi des tiraillements entre les populations locales et les nouveaux arrivants qui va jouer un rôle important dans le processus de pas d'unification nationale, mais d'émergence d'une conscience nationale, que ce soit au Danemark ou en Suède. La conscience nationale va se faire contre les Allemands au 15e, au 16e, 17e siècle, contre les Allemands qui sont accusés d'accaparer le commerce et d'imposer leur volonté aux monarchies, aux jeunes monarchies naissantes. Alors vous avez évoqué les trois royaumes, Norvège, Danemark, Suède. Quelle est la place à l'époque de ce qui va devenir la Finlande? On a l'impression d'une espèce de périphérie forestière qui est encore un petit peu en dehors de l'histoire. C'est un peu le cas, puisqu'en fait la Finlande a longtemps appartenu à la Suède, a été christianisée par une série de croisades menées par les rois de Suède, alternativement avec les ordres teutoniques qui jouent le même rôle un peu plus au sud. Et donc pendant longtemps, comme vous l'avez dit très justement, la Finlande a été l'arrière-pays forestier... et un peu en déshérence de la Suède. Mais progressivement, la Finlande, elle aussi, justement, a vu l'émergence d'un horizon de conscience nationale. Et donc là, on est un peu plus tard, on est au-delà de la période que vous parlez, et dès le 18e, 19e siècle, on a l'apparition d'une véritable conscience nationale finlandaise qui s'oppose à la fois à la Suède et à la Russie, et qui aspire à une véritable indépendance. Parce qu'on a des populations là qui sont différentes de celles que l'on a en Scandinavie, en Finlande. Oui. On a des populations, notamment sur le plan linguistique, qui sont différentes. Oui, qui relèvent du monde finno-ougrien. C'est ça, voilà. Qui sont des populations finno-ougriennes par opposition aux populations scandinaves qui, elles, appartiennent globalement à l'espace germanique. Voilà. Bah donc la Scandinavie est une... Enfin, la péninsule scandinave, donc composée de la Norvège et de la Suède, est en fait a toujours été une ligne de partage entre les populations germaniques venues du sud et les populations lapones qui vivaient à l'extrême nord de la région. Et effectivement, la Finlande, c'est un autre monde avec une autre population qui a des cultures très, enfin qui a une culture très tout à fait différente. Oui. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, et plus précisément à l'écoute du libre journal des historiens. Nous recevons ce soir Nicolas Kessler pour son livre intitulé Scandinavie, publié donc par les presses universitaires de France en collaboration avec la société Clio. Alors, Nicolas Kessler, nous avons évoqué la période médiévale de la Scandinavie. Il va y avoir une rupture très importante qui va intervenir à partir du XVIe siècle, quand tout ce monde de l'Europe du Nord va passer à la réforme. Dans quelles conditions est-ce que la Scandinavie va participer à tout ce mouvement qui affecte à peu près au même moment le nord de l'Allemagne et puis les Pays-Bas ? Alors, il y a de grandes similitudes entre la réforme en Scandinavie et la réforme en Allemagne du Nord. Il n'y a pas de vraie différence. La constante, c'est que ce n'est pas un mouvement populaire qui correspond à une véritable aspiration des masses vivant dans la région. C'est une volonté des princes qui ont vu dans la réforme la possibilité d'accroître leur poids personnel, de s'approprier les biens du clergé et d'organiser le clergé en une cohorte de fonctionnaires zélés et disciplinés qui leur permettaient de mener leur propre politique. Donc la réforme était imposée par une série de rois particulièrement énergiques en Scandinavie, notamment Gustave Vasa en Suède, mais encore une fois, comme la christianisation du Xe, XIe siècle, elle s'est faite sans heurts, la population a relativement bien accepté la nouvelle foi, et elle s'est faite là encore sur le mode du syncrétisme, puisque par exemple le protestantisme suédois reste profondément influencé de vestiges catholiques, de la même manière d'ailleurs que le catholicisme suédois gardait beaucoup d'éléments issus du paganisme, donc. On a une sorte de bloc qui arrive à faire la part aux différentes traditions religieuses qui sont succédées dans la région. Et c'est un protestantisme luthérien, oui. et non pas calviniste. Comme en Allemagne du Nord. Alors vous avez évoqué un personnage là tout à fait marquant de l'histoire scandinave et suédoise, c'est Gustav Vasa. Est-ce que vous pouvez nous brosser en quelques phrases le profil du personnage qui est une des figures marquantes de l'histoire régionale? Gustav Vasa, en fait, c'est le roi, c'est une figure marquante mais contestée, parce qu'il a aussi laissé le souvenir d'un roi extrêmement autoritaire, voire brutal, et même sanguinaire, on peut le dire. Mais il a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de la Suède, dans la mesure où, après justement la période d'union, qui a été relativement mal vécue par les Suédois, parce qu'en fait cette union était dirigée par le Danemark, c'est plus la Suède qui a intégré une union danoise que l'inverse. Donc après cette période d'union, il a restauré l'indépendance et l'unité du royaume de Suède, et avec des moyens effectivement parfois particulièrement énergiques, a réussi à réorganiser un pays autour de la couronne. Et dans cette perspective, justement, sa décision d'opter pour la réforme procédait, on le sait aujourd'hui, beaucoup plus d'un calcul politique que d'une véritable sensibilité réformatrice sur le plan religieux. Alors c'est un souverain qui est un petit peu un souverain fondateur, dans la mesure où il reconstitue un royaume de Suède indépendant après l'expérience ratée de l'Union de Kalmar. Et ce royaume de Suède, il est appelé à devenir la grande puissance régionale au cours des décennies, puis du siècle suivant surtout, sous la houlette d'un autre personnage très marquant qu'on connaît davantage en France, du fait de l'alliance qui fut conclue avec lui à l'époque de Richelieu, à l'époque de la guerre de 30 ans, c'est le roi Gustave Adolphe. Oui. Gustav Adolphe, là pour le coup, c'est vraiment le personnage, enfin le roi emblématique de l'histoire de la Suède. dans la mesure où cette édification d'un empire suédois autour de la Baltique dont vous parlez, effectivement, qui suit, si on regarde de très très loin, un fil continu de Gustave Vasa jusqu'à Gustave Adolphe, en fait, c'est opéré de façon beaucoup plus chaotique que ça. Et quand Gustave Adolphe monte sur le trône, en fait, il trouve un pays en ruine, totalement à la remorque du voisin danois qui occupe la prééminence dans la région. Et le génie de Gustave Adolphe est d'avoir su à la fois réformer son pays, l'enrichir par une politique qui est assez proche de celle de Louis XIV, au même moment une politique mercantiliste. Et une fois que son pays a été réorganisé et remis sur pied, donc s'est lancé dans une série de guerres de conquête qui ont abouti à faire de la Baltique un véritable lac suédois, puisque à la fin du règne de Gustave Adolphe, la Suède contrôle non seulement l'ensemble de la Suède actuelle et la Finlande, mais en plus une bonne partie du littoral baltique en Allemagne du Nord et la plus grande partie des pays baltes. Et les pays baltes. Et jusqu'au lac Ladoga à peu près. Voilà, et il faudra d'une part la victoire de l'électeur de Brandebourg à Fehrbellin et puis ensuite les victoires de Pierre le Grand contre Charles XII pour que cette situation s'inverse à l'issue de la guerre du Nord qui se termine sur Fontaine-Nistadt en 1721. Avec un paradoxe d'ailleurs, c'est que c'est sans doute le souverain qui est le plus fascinant de l'histoire de la Suède, qui est finalement le responsable de l'effondrement final de l'Empire suédois, en l'occurrence de Charles XII. Charles XII, oui. Charles XII qui s'est engagé dans une lutte contre la Russie, qui était évidemment un peu trop ambitieuse, qui n'avait pas mesuré justement l'ampleur du problème qu'allait représenter pour lui l'espace russe, comme d'autres conquérants avant lui et d'autres après lui. Ce qui est bizarre, c'est que Charles XII, à la base, n'était pas un conquérant, ses campagnes n'ont pas été défensives. Quand il arrive sur le trône au début du XVIIIe siècle, la Suède est menacée à l'ouest par le Danemark qui ambitionne de retrouver sa grandeur passée, et à l'est, donc par la Russie qui a commencé sa lente montée en puissance, et dont le tsar vient juste de décider d'installer sa nouvelle capitale à Saint-Pétersbourg, donc à la frontière suédoise, puisque à l'époque la Finlande fait encore partie de la Suède. Donc les campagnes de Charles XII ont pour premier objectif de desserrer un peu cet étau dont il a le sentiment qu'il se referme autour de la Suède. Et dans un premier temps, effectivement, aboutissent à la défaite d'abord du Danemark, puis de la Pologne et de la Russie, et donc à la reconstitution de l'Empire suédois tel qu'il était un siècle auparavant. Et ensuite, comme Napoléon sans doute, et d'ailleurs il y a beaucoup de similitudes entre Bonaparte et Charles XII, effectivement saisi par une sorte de folie des grandeurs, il a décidé de régler une fois pour toutes son compte à la Russie et de pousser ses armées jusqu'à Moscou pour un résultat assez comparable à celui qu'a connu Napoléon un siècle plus tard, c'est-à-dire une lente attrition due aux conditions climatiques de l'hiver russe et une défaite finale à la bataille de Poltava en 1709. Qui, pour le coup, marque vraiment le point final des ambitions suédoises en Europe du Nord. Alors, entre Gustave Adolphe et Charles XII, là, que nous avons évoqué, il y a un personnage, il y a une figure aussi intéressante de l'histoire de la Suède, c'est Christine, c'est la reine Christine de Suède, dont la destinée apparaît assez intéressante également. C'est une figure intéressante, dans la mesure où c'est une reine qui arrive sur le trône sans avoir le moindre goût pour le pouvoir. Une femme qui n'avait pas un goût particulier pour les hommes et une souveraine protestante qui est attirée par le catholicisme. Donc, dans un premier temps, cette combinaison un peu paradoxale a produit des effets bénéfiques en Suède, puisque c'est une reine qui a voulu réveiller sur le plan culturel son pays et qui notamment a fait venir des artistes d'Europe entière pour donner à la cour de Stockholm un faste qu'elle n'avait pas auparavant, puisque c'était quand même une cour un peu provinciale, on pourrait dire, un peu périphérique. Mais malheureusement, confrontée à l'épreuve du pouvoir et des réalités, elle s'est vite découragée. Elle a fini par abdiquer pour pouvoir enfin réaliser son rêve et se convertir au catholicisme. Mais au moment de l'abdication, elle a laissé un pays en ruine et on s'est rendu compte qu'en fait elle avait lâché les rênes au magnat et à la haute noblesse suédoise qui s'était largement servi dans les caisses de la couronne et s'était approprié notamment je crois, près de 80% des terres de la couronne, annulant finalement l'effet bénéfique de la réforme, puisque une des raisons de la réforme était le désir de Gustave Vasa de s'approprier les très nombreuses terres ecclésiastiques pour donner la couronne un véritable domaine qu'elle n'avait pas auparavant. Oui, et alors, Christine qui va mourir à Rome d'ailleurs, je crois. Oui, qui meurt à Rome, Rome, dans les bras de l'Église. Voilà, et après que Descartes fut mort à Stockholm, lui, pour s'être rendu à son invitation, mais le pauvre, le climat local... Il n'y a pas de climat, d'ailleurs. C'est fatal. Descartes a vraiment détesté son séjour à Stockholm, il n'a pas aimé justement l'austérité de la cour... la cour de Stockholm, malgré le rôle de Christine, et il a été effectivement épuisé par la quantité de travail invraisemblable que lui a demandé la reine, et il a fini par mourir tristement d'une pneumonie. Et alors ce monde scandinave, qui reste longtemps tout à fait périphérique au nord de l'Europe, il intéresse beaucoup le monde des Lumières. On voit se multiplier les voyages, on voit se développer sur place une élite scientifique incarnée par un Linné, par exemple. On envoie des croisières repérer les côtes norvégiennes ou islandaises. Il y a un intérêt au XVIIIe siècle qui semble se dessiner pour cette région septentrionale de l'Europe. C'est un intérêt qui reste quand même, à mon avis, assez timide, notamment en France, où effectivement l'intérêt se limite à une série d'explorations du Grand Nord, dont vous avez évoqué Renard et Maupertuis. Oui, c'est ça. Mais la culture scandinave, en France en tout cas, reste encore très très méconnue à cette époque-là, en dehors de quelques points très précis, comme effectivement la fascination qu'éprouvait Voltaire pour Charles XII, qui a mis un petit coup de projecteur sur... Mais on n'a pas commencé dès le XVIIe siècle à connaître certaines des sagas de l'époque viking en France. Il y a déjà eu une traduction très vite des Eddas. Ouais. Mais honnêtement, la diffusion de ces œuvres-là, compris dans les élites éclairées du pays, était quand même très très confidentielle. Il faudra attendre. De toute façon, c'est un problème de. C'est une des ambitions de ce guide. Il y a un problème en France avec la connaissance du monde scandinave. Autant dans le monde anglo-saxon, la Scandinavie est considérée comme un domaine de recherche prioritaire, autant en France, c'est quelque chose qui reste extrêmement confidentiel. Et on parle des Vikings, parce que les Vikings ont marqué l'inconscient collectif, mais il faut savoir, par exemple, l'histoire des Vikings n'est pas enseignée dans l'enseignement secondaire, ni primaire d'ailleurs en France, à peine à l'université. Enfin, nous avons une bonne école de spécialistes de la Scandinavie. À Caen, oui, bien sûr. À Caen, nous avons eu Frédéric Durand, Lucien Musset, et puis qui sont disparus maintenant. Et je pense notamment Régis Boyer qui a écrit de nombreux ouvrages, et puis je pense surtout à François Savidilman, que nous avons eu l'occasion d'inviter ici déjà à Radio Courtoisie, et qui d'ailleurs actuellement travaille à Uppsala, en Suède. On a, je pense, des équipes universitaires assez solides, même si elles sont un petit peu réduites, parce que, comme vous le dites, c'est pas un domaine qui intéresse autant qu'il peut intéresser en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Oui, je pense que la Scandinavie fait partie d'une communauté atlantique, puisque c'est un terme qu'on emploie souvent dans les pays anglo-saxons, qui comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord. Et c'est un monde dont la France se sent trop souvent exclue, et ce qui conduit à un certain désintérêt pour ces questions. Alors, on redécouvre quand même ces régions-là avec l'époque romantique, qui valorise un petit peu tout ce passé scandinave. On redécouvre ces mythologies. Ça correspond à un courant analogue en Allemagne, d'ailleurs, à cette époque-là. Oui, on peut penser à Victor Hugo, par exemple. Voilà. On voit le Comte de Lille. Je crois que c'est surtout la recherche. Je vois plus effectivement au XIXe siècle qu'au XVIIIe siècle, et c'est en partie justement la recherche d'un contre-modèle à opposer au modèle de l'Antiquité classique qui est plutôt dominant en France au XVIIIe, par les romantiques, qui les conduit à se tourner vers ce qui apparaît comme l'opposé exact de la romantique, le monde germano-scandinave. Le monde germano-scandinave, oui. Et alors, avant d'en arriver au XIXe siècle, il y a aussi un autre personnage dont j'aimerais que vous nous disiez quelques mots. C'est ce despote éclairé que fut Gustave III, en Suède, qui est une figure également importante du XVIIIe siècle dans son pays. Alors c'est effectivement le produit d'un état pur du despote éclairé, puisque c'est un souverain qui trouve son pays dans un état d'anarchie à peu près complet, après une période qu'on appelle l'ère de la liberté, mais qui n'est pas considérée comme une période très très positive en Suède, qui a vu une série de rois très faibles et très contestés se succéder, et les querelles de coteries manipulées par l'étranger, notamment entre pro-russes et pro- et pro-français se déchirer. Et donc Gustave III arrive sur le trône et en quelques années arrive à restaurer l'unité du pays et à réorganiser une économie qui, à l'époque, en plus, était extrêmement piteux état. Et le paradoxe, c'est pour ça qu'on parle de despote éclairé, c'est que d'une certaine manière, c'est le restaurateur de la monarchie absolue en Suède qui avait été mis à mal par les événements des quelques années précédentes, mais c'est aussi un roi réformateur qui fait largement entrer la Suède dans la modernité politique, avec notamment une série d'informes qu'on appelle le grand nivellement en Suède, et qui aboutit à des transformations quasiment équivalentes à celles que connaît la France ou la Révolution au même moment, mais dans lequel la Suède, en parallèle avec un renforcement du pouvoir du corps monarchique. D'accord. Oui, exemple classique de despotisme éclairé. Oui. Nous avons quelques questions d'auditeurs. Oui, un auditeur demande à quelle époque le Schleswig-Holstein a-t-il été danois. Là, ça nous projette un petit peu plus loin en avant. Un peu avant et un peu après, parce qu'en fait, le Schleswig-Holstein a été tout au long de l'histoire la ligne de partage entre l'Allemagne et le Danemark. Et donc on a connu des fluctuations très importantes, liées surtout au fait que cette région est composée de micro-duchés. Et donc par le jeu des unions dynastiques, telle partie pouvait se détacher d'un ensemble et rejoindre l'autre. Mais en règle générale, on peut quand même dire que le Schleswig-Holstein a été danois jusqu'à la fameuse guerre des duchés de 1864, donc qui a vu l'Allemagne de Bismarck déclarer la guerre au petit Danemark, le vaincre de façon assez retentissante et s'emparer du Holstein et d'une partie du Schleswig. Et puis alors il y a une autre question qui nous renvoie plus loin en arrière. Encore, oui, pouvez-vous nous parler des origines et des migrations des Burgondes? Alors, encore une fois, pour tout ce qui concerne la Scandinavie préhistorique, c'est-à-dire d'avant le XIe siècle, on est réduit à des hypothèses parce qu'il nous reste rigoureusement rien. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une civilisation qui utilisait très peu l'écrit. Donc, il y avait bien les runes, mais qui servait beaucoup plus à des productions poétiques ou des productions religieuses qu'à une véritable production littéraire. Donc, on n'a pas de monuments, on n'a pas de... Enfin, on a très, très peu de restes. Donc, pour ce qui est des Burgondes, on suppose... Alors les archéologues supposent, par exemple, de recoupement, que leur nom vient de l'île de Bornholm, au large du Danemark. Et donc, on suppose qu'on les a nommés ainsi parce qu'ils débarquaient de cette île. Par contre, quant à savoir s'ils venaient de là, si c'était un passage sur une route qui les amenait, par exemple, de la Suède, ça, on n'en sait rien. Et ce que je dis là des Burgondes est valable aussi pour les Lombards, pour les Goths, pour tous ces peuples-là, dont on suppose qu'ils ont eu un moment ou un autre un lien direct avec la Scandinavie, mais sur lequel on n'a aucun élément concret. Les chèques sont minces. Voilà, extrêmement minces. Donc, c'est difficile de se prononcer de manière définitive. Pour revenir vers la période sur laquelle nous étions avec Gustave III, la Suède, enfin les pays scandinaves vont être entraînés dans tous les bouleversements nés de la Révolution française et de l'expansion napoléonienne. Et il y a là, nous allons retrouver là un personnage encore tout à fait étonnant, c'est Bernadotte, ce traîneur de sabre républicain qui avait tatoué Moreau tyran, je crois, sur son bras et qui va sortir. Il va se trouver roi de Suède. Alors Bernadotte, son histoire et son destin symbolisent bien toute l'ambiguïté des relations entre la France et la Suède, justement depuis le début de la période révolutionnaire, puisque traditionnellement, on en a parlé très vite tout à l'heure, il y avait effectivement une alliance franco-suédoise destinée à prendre à revers l'Autriche et la Prusse, qui courait depuis, même avant Gustave Adolphe, depuis Gustave Vasa, je crois. Et cette tradition a été mise à mal par la Révolution, dans la mesure où Gustave III était très proche de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et s'était lancé dans une sorte de croisade personnelle contre la Révolution, qui l'avait amené donc à prendre le parti de toutes les coalitions successives contre la France. Cette politique a conduit à un échec, puisque la Suède a été vaincue en 1808 par la Russie, justement, pour avoir été trop loin dans sa volonté de combattre la France et ses alliés. Et donc, à la mort de Gustave IV en 1808, il y a un interrègne en Suède durant lequel aucun prétendant valable se manifeste. Il y a même des querelles de palais assez violentes avec tout un assassinat politique retentissant. Et donc la Suède est à la recherche d'un nouveau souverain, et à ce moment-là émerge le nom de Bernadotte, que les Suédois connaissaient parce qu'il avait commandé l'armée française qui avait fait le siège des places fortes suédoises, la Baltique, au cours de la campagne de 1806-1807, et qu'il avait eu un comportement très chevaleresque avec les prisonniers suédois qu'il avait libérés sur parole, si je me souviens bien, et qu'il avait laissé rentrer chez eux. Donc c'est un personnage qui était assez populaire en Suède, à la fois comme chef de guerre victorieux et comme esprit chevaleresque. Et donc, à la recherche d'un souverain, les Suédois se tournent vers lui et lui proposent d'accepter de monter sur le trône de Suède. Ce qui est extrêmement paradoxal, parce que Bernadotte est d'abord un roturier, marié à une roturière, un catholique, ce qui est dans un pays extrêmement luthérien à l'époque était difficilement envisageable. Un Béarnais, ça part pas très loin. Ce qui est surtout pour lui que c'était un problème une fois qu'il s'est installé à Stockholm. Mais finalement, donc, Bernadotte est arrivé à la cour de Stockholm face à une cour relativement hostile et méfiante, et très vite il a emporté leur adhésion, et il est très vite devenu un souverain extrêmement populaire. Le problème pour la France, c'est que Bernadotte avait été poussé par Napoléon dans l'espoir de faire de la Suède de nouveau un allié fidèle en Europe du Nord, et que quelques années après, non pas sans doute, parce qu'il était régent pendant une période avant d'être couronné, il était régent à l'époque des guerres de l'Empire. Donc, une fois devenu régent, Bernadotte s'est rendu compte qu'en fait, les intérêts géopolitiques de la Suède à l'époque n'allaient pas du tout dans le sens de l'Alliance française. Et après 2-3 ans d'une politique un peu ambiguë, a trahi Napoléon et a pris part à la campagne de 1813. On l'a retrouvé à Leipzig face aux Français. Ce qui lui a valu une réputation de renégat en France, alors qu'en Suède, c'est un personnage qui est quand même extrêmement valorisé. Et puis qui va être à l'origine de la dynastie. La dynastie qui est encore aujourd'hui sur le trône. Ça, en Suède jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs qui a été plusieurs fois ressourcé en France, avec notamment avec le mariage avec une Beauharnais à la génération suivante. Donc effectivement, qui fait de la Suède une dynastie, enfin la dynastie suédoise, une dynastie française. Franco-suédoise, ouais. Voilà. Et alors dans toute cette évolution, il y a un pays qu'on a un petit peu oublié, parce que vous l'aviez dit tout à l'heure, il se promène au cours de l'histoire entre la Danemark et la Suède, c'est la Norvège. Alors comment est-ce que les choses évoluent pour ce pays? Donc en fait, il y a trois périodes pour la Norvège. Il y a un âge d'or qui va en gros de la période viking jusqu'à la fin du Moyen-Âge, qui voit la Norvège être sans doute le plus solide et le plus dynamique des trois royaumes scandinaves, avec notamment ses possessions dans l'Atlantique Nord. Ensuite, il y a un long passage à vide, donc j'ai dit tout à l'heure, qui commence avec les grandes épidémies du XIVe siècle et qui va jusqu'au XIXe siècle. Donc durant cette période, la Norvège est alternativement une possession danoise ou suédoise, et d'ailleurs une possession extrêmement docile, puisqu'il y a très très peu de révoltes contre l'un ou l'autre au cours de la période. C'est la Norvège, tout au long de la période, est un peu le cœur légitimiste de la Scandinavie, c'est assez étonnant. Et on a une cause nationale qui commence à émerger à la fin du XIXe, qui vient surtout des liens qu'a toujours eu la Norvège avec l'Angleterre, qui l'oppose à la Suède, qui à ce moment-là commence à s'approcher de l'Allemagne. Donc il y a une opposition d'intérêts, que ce soit sur le plan diplomatique ou commercial surtout. Donc il fait que petit à petit, en Norvège, on commence à aspirer à l'indépendance. Et donc il y a un processus très très progressif et très lent qui se met en place de la fin du 19e au début du 20e siècle, et qui aboutit finalement à une indépendance pacifique. En 1903, je crois. 7. 1907. Une indépendance donc relativement pacifique. Donc il voit la Norvège revenir dans l'histoire en tant que royaume indépendant. Et ensuite, donc la Norvège, Donc là, on peut parler un peu de la géopolitique actuelle de la Scandinavie. Effectivement, la Scandinavie est un peu tiraillée entre plusieurs mondes, et la Norvège fait clairement partie du monde atlantique, et à ce titre a des rapports extrêmement étroits, extrêmement proches avec l'Angleterre, avec lequel son destin a toujours été indissolublement lié. On l'a vu pendant les deux guerres mondiales. Son intégration ensuite de l'Alliance Atlantique. Au moment de la guerre froide, alors que la Suède se tourne plutôt vers l'Allemagne pour une raison, non pas par une germanophilie intrinsèque, mais par le fait que, à partir de la perte de la Finlande en 1808, la Suède devient directement menacée par la Russie, et les souverains successifs du XIXe siècle ont toujours cherché en Allemagne un appui contre les prétentions du tsar, dont ils ont peur qu'ils menacent l'existence même du pays. Avec toujours cette idée que peut-être ils pourraient récupérer un jour la Finlande, notamment au bénéfice d'une victoire de l'Allemagne contre la Russie. Ouais. Et alors cette Norvège, à la fin du 19e, au moment où il va retrouver son indépendance, c'est aussi un pays qui se fait remarquer et de manière tout à fait flatteuse et positive par la part qu'elle prend dans l'exploration polaire. Sa situation en latitude, évidemment, la prédisposait à jouer un rôle majeur dans cette aventure-là. Mais là, on a quand même, les principales vedettes. D'ailleurs, vous parliez des explorateurs français du siècle des Lumières, mais effectivement, les Scandinaves vont se mettre très tardivement à participer à l'aventure polaire, et pendant longtemps ils vont laisser les Français et les Anglais faire le gros du travail sans s'intéresser à ce qui est leur voisinage proche, puisque la Norvège touche au cercle arctique. Tout à fait, mais là on va avoir une génération avec les Nansen. Donc avec Nansen et Amundsen. Qui vont vraiment marquer très profondément leur époque. Les Danois jouent un rôle aussi important au Groenland, et puis les Suédois se font remarquer également, puisque c'est August Erik Nordenskiöld qui réalise le premier franchissement du passage du Nord-Est au large des côtes sibériennes, et c'est son frère Otto Nordenskiöld qui réalise aussi des voyages tout à fait intéressants dans l'Antarctique, où à un moment donné il risque même de disparaître avec toute son expédition, et tout le monde est sauvé miraculeusement. Ça a un effet considérable pour l'opinion de l'époque. D'ailleurs, les retours polaires passionnent littéralement l'opinion scandinave, et on trouve, je pense notamment sur l'île de Big Doy à Oslo, un certain nombre de musées absolument passionnants consacrés spécifiquement aux expéditions Arctique-Antarctique. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'Amundsen a été le vainqueur du passage du Nord-Ouest, et c'est lui qui est arrivé le premier au pôle Sud. Oui. Alors, cette Scandinavie, nous arrivons au XXe siècle, elle va adopter dans ce monde nouveau, dans ce monde contemporain, une posture, une attitude bien particulière. C'est là qu'on va voir se former une sorte de laboratoire politique, social, culturel bien particulier, qui va aboutir à l'émergence de une sorte de social-démocratie qui fait des pays scandinaves d'abord les plus riches du monde. Enfin, ils sont parmi ceux où le revenu par tête d'habitant est de loin le plus élevé. Apparemment, disposant d'un système social capable d'atténuer les tensions, les conflits qui peuvent apparaître ailleurs. Donc, un niveau de vie élevé, une volonté de pacifique marquée, souci de neutralité, notamment pour la Suède. Ce fut aussi le cas de telle manière, même si c'était forcé, pour la Finlande. Comment pourrait-on dès le début, la social-démocratie scandinave est très très très particulière. D'abord par ses origines, parce qu'en fait elle puise ses origines non pas dans le mouvement socialiste classique, l'obédience marxiste ou autre, mais plutôt dans un mouvement paysan, notamment l'œuvre de Grundtvig. Donc dans un mouvement paysan enraciné dans un christianisme social qui lui donne très tôt une connotation beaucoup plus réformiste que révolutionnaire, et qui en fait un mouvement extrêmement pacifique dès le 19e siècle. Ensuite, l'autre particularité, c'est que on a un mouvement unique social-démocrate en Scandinavie, le SAP. C'est le même parti dans les trois pays, avec une idéologie commune et des partis qui fonctionnent de façon extrêmement similaire. Et enfin, la mise en œuvre des politiques social-démocrates, en gros, qui se perd en Scandinavie à partir des années 30, ce sont les modalités qui va la rendre populaire auprès des populations et va susciter très peu de résistance, à la différence de ce qu'on a pu avoir en Europe de l'Ouest ou en Europe du Sud, ou même en Angleterre, quand on a voulu mettre en œuvre les mêmes politiques. Et c'est lié au fait que chez les sociodémocrates scandinaves, d'une part, il y a toujours eu un sens extrêmement fort du pragmatisme, avec une volonté de ne jamais se lancer dans des aventures inconsidérées, mais toujours faire des choses qui fonctionnent. Et ensuite, la volonté que les contribuables dont les impôts financent le welfare state, donc l'État-providence, soient les premiers bénéficiaires des retombées de cet État-providence. C'est-à-dire que jusqu'aux années 90, où là, les choses sont un peu compliquées, les citoyens scandinaves étaient contents du système qu'ils avaient parce qu'il leur coûtait cher. C'est vrai que les pays scandinaves sont ceux, sans doute, où la pression fiscale est la plus forte au monde. Mais les citoyens ont vraiment l'impression que les impôts leur profitent directement par le biais d'infrastructures qu'ils utilisent quotidiennement. Et c'est aussi lié à l'homogénéité fondamentale de la population scandinave, une homogénéité à la fois sociale, culturelle, ethnique, qui fait qu'il y a, justement, il n'y a pas ce problème qu'on a connu dans la plupart des autres grandes démocraties d'une fracture entre les payeurs et les bénéficiaires du système qui a conduit à dysfonctionnement. En même temps, on a le sentiment que cette social-démocratie longtemps dominante, elle est un petit peu remise en cause depuis quelques années. Raison, parce que la plupart des gouvernements scandinaves depuis la fin des années 80 sont des gouvernements libéraux. Mais ça dit, ils n'ont pas remis en cause le fondement même du système, de l'État-providence tel qu'il avait été mis en place au cours des 50 années précédentes. Il faut bien voir que, par exemple, au plus fort de la période social-démocrate en Suède, par exemple, qui est pourtant présenté comme un pays quasiment marxiste aux États-Unis, je crois que la part de l'économie contrôlée par l'État, c'est de l'ordre de 2 ou 3%. C'est des pays en fait, où il n'y a pas eu de nationalisation, où même à l'époque où la social-démocratie était la plus dynamique, c'est un pays qui reste un pays dominé par l'économie privée. Et donc, du coup, il n'y a pas eu le phénomène de nationalisation, privatisation qu'on a pu avoir en France ou dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest, qui a peut-être accentué la fracture entre les deux périodes. Il y a un autre auditeur qui demande, pouvez-vous parler de l'extrême pauvreté dont a souffert la Norvège au XIXe siècle ? Pauvreté digne de l'Islande. De l'Irlande. L'Islande était très pauvre aussi. Oui, il n'y avait personne. C'est l'Irlande là qui veut dire. L'auditeur a mis, oui d'accord, Irlande. Mais le 19e siècle, à partir de la révolution industrielle, a été une période très très difficile pour les campagnes scandinaves, avec des famines, avec une misère populaire terrible, qui d'ailleurs a conduit à l'immigration massive des Scandinaves en Amérique du Nord à cette période-là, et au fait qu'encore aujourd'hui en Amérique du Nord, on a des communautés scandinaves extrêmement soudées, notamment dans le Middle West. Et donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que la Norvège fasse une vraie... présente une situation vraiment différente de la Suède, ou le Danemark est un peu différent, mais la Suède ou en Norvège, dans les deux cas, on avait effectivement des campagnes très pauvres, et un processus de modernisation et de modernisation de l'agriculture qui laissait sur la touche une grande partie de la petite paysannerie, qui effectivement n'avait pas d'autre choix, comme d'ailleurs dans d'autres régions d'Europe, que d'aller s'entasser dans les faubourgs des grandes villes, ou de choisir l'émigration pour aller tenter sa chance dans le Nouveau Monde. Et c'est un peu l'entrée dans la transition démographique qui a permis aussi de compenser cette misère qui était liée aux ressources finalement limitées du pays dans le contexte. Et l'Islande, par contre, elle a connu une vraie misère, et notamment des périodes de famine beaucoup plus alarmantes, liées au fait que l'Islande a longtemps connu une situation coloniale, et a longtemps été sous la coupe du Danemark, qui retirait les bénéfices de son... De sa domination de la région sans rendre les dividendes aux populations locales. Et donc, les Islandais ont connu des heures difficiles au XIXe siècle. En quelques mots simplement, ce monde scandinave, on voit bien qu'il est porteur, même s'il pèse peu sur le plan démographique, qu'il est porteur d'une culture originale en Europe aujourd'hui. En quelques mots, comment pourriez-vous... C'est une culture qui a la particularité d'être à la fois très enracinée, à la fois dans les traditions populaires, puisque la musique classique scandinave, ou même d'ailleurs la musique pop scandinave a des liens directs avec la tradition folklorique locale, mm-hmm. une littérature aussi profondément enracinée, un art enraciné, mais une littérature, un art et une musique extrêmement moderne. Mm-hmm. C'est sans doute un président de l'Europe qui a mieux su digérer la transition de la période classique de l'art traditionnel à la postmodernité, et sans rupture, et en arrivant à tirer profit de la première partie pour augmenter ses chances de réussite dans la seconde. Alors, je rappelle donc le titre du livre de Nicolas Kessler. Il s'agit de Scandinavie dans la collection Culture Guide aux Presses universitaires de France, réalisé avec le concours de la société Clio. Merci Nicolas Kessler. Je crois merci. Que Françoise a un message à nous lire. Nous nous retrouvons d'abord le 4 février prochain. Oui. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des historiens dirigé par Philippe Conrad, assisté de Françoise Varlet. Cette émission a été diffusée en direct le 7 janvier 2010 de 18 à 21h. Elle sera rediffusée le 8 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle a été réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu de cassette pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Radio Courtoisie. Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie. À 21h30, le libre journal Les Tréteaux de la France Courtoise du 8 décembre 2009, dirigé par Yves Tarantic, avec l'assistance d'Anne Brassier. Invité, Monique Laoste, alias Mikeno, Brigitte de Morgan, alias Ortesi, Philippe Martineau, Daniel Ancelet, Pierre Blondel, Roland Jourdan et Serge Moreau, poète. Rodrigue Milosi, violoniste. Une pléiade contemporaine. À 23h, notre soirée opéra avec Circé de Georg Friedrich Händel par Nicolas McGegan. À minuit, le libre journal d'Aude de Kéros, assisté de Christine Sourgins. Invité, Alain Hardy, expert en antiquité. Bruno Giardi, éditeur, écrivain. Jean-Paul Agosti, peintre. Olivier Rohan, président de l'association Sauvegarde de l'art français. Les craquelés Art déco, Sauvegardons l'art français, les expositions. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le Libre Journal des Historiens, dirigé par Philippe Conrad, avec l'assistance de Françoise Varlet. Invité Dominique Vénère, historien, directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire. Michel Ostinck, historien. Bernard Lugan, historien africaniste. Nicolas Kessler, historien. La Nouvelle Revue d'Histoire, Napoléon et l'Italie, le retour du bulletin de l'Afrique réelle sur Internet, Histoire culturelle de la Scandinavie. À 6h, les livres du jour, Trésors en poche d'Anne Brassier, invité Baudouin Forjouk, écrivain, après l'écroulement, un officier rebâti. Et dans quelques instants, restez bien avec nous, votre bulletin de réinformation, le bulletin de ce matin. Écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite CanalSat et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Et n'oubliez pas notre adresse courriel courtoisie@radiocourtoisie.net. Et puis, toutes mes excuses, une erreur s'est glissée dans mon annonce de 20h57. Bien entendu, tout à l'heure.